l'Hongrie, en France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Passe un peu partout, n'avait mon sol, viennent pour manger. La main dans la main, midi à thé, mi monte dans sa case. De six canapés, il n'a pas besoin, écoute son langage. Quand elle m'a boulé doux, Metali donne canal à Panama. Non, casse pas la tête, mademoiselle, ta dose mon cigare. Wah wah wah, siga siga siga, l'amour en créole. Wah wah wah, siga olé olé, l'amour espagnol. Tic tac boum boum boum, bouche à bouche, l'amour en français. Tic tac boum boum boum, yé yé yé, l'amour en anglais. Tu connais moi n'a point l'argent, mais les contents vivront en liberté. Mi préfère l'ambiance tous les dimanches pour nous donne paquet. Comme elle apprend l'autoroute Paris-Toulouse pour aller Bordeaux. Donne quatre coins chemin, moi la patron femme, oreilles t'es chaud. La main dans la main, midi à thé, mi monte dans sa case. De six canapés, il n'a pas besoin, écoute son langage. Canama pour les doux, Metali donne canal Panama. Non casse pas la tête, mademoiselle, t'as dans mon cigare. Wah wah wah, siga siga siga, l'amour en créole. Wah wah wah, siga olé olé, l'amour espagnol. Tic tac boum boum boum, bouche à bouche, l'amour en français. Tic tac boum boum boum, yé yé yé, l'amour en anglais. Tu connais moi la voyager, moi la visite, un peu tout le pays. Guette pas mon frise et porte devant derrière mi fan salé. Moi la batte carré en France, en Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Passe un peu partout, n'avait mon seul, la viande pour manger. La main dans la main, midi à thé, mi rentre dans sa case. De six canapés, l'a pas besoin, écoute son langage. Canama pour les doux, Metali donne canal Panama. Non casse pas la tête, mademoiselle, t'as dans mon cigare. Wah wah wah, siga siga siga, l'amour en créole. Wah wah wah, siga olé olé, l'amour espagnol. Tic tac boum boum boum, bouche à bouche, l'amour en français. Tic tac boum boum boum, yé yé yé, l'amour en anglais. Allez! Wah wah wah, siga siga siga, l'amour en créole. Wah wah wah, siga olé olé, l'amour espagnol. Tic tac boum boum boum, bouche à bouche, l'amour en français. Tic tac boum boum boum, yé yé yé, l'amour en anglais. Ça y est, c'est fini. Boum, boum, boum. On arrête. L'amour en anglais. Le week-end, c'est terminé. On peut plus chanter. Oh fini. Non, non, c'est terminé, c'est terminé. T'es ouais. Sûr? Bah non, c'est parti justement pour une dose de bonne humeur. Même, bah alors. On est parti jusqu'à 8h. Bonjour Isabelle, bonjour La Réunion. 5h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Ils étaient plus de 2000 hier à Saint-Leu, 2000 fidèles qui ont accompagné la Vierge en pleurs jusqu'à son sanctuaire. La fête de la Salette se termine aujourd'hui avec la messe célébrée par Mgr Gilbert Aubry. 10 000 personnes sont attendues. Nouvelle sortie de Daniel Gontier hier dans l'affaire Marilène Waro, la directrice du parc national récemment limogée. Invitée hier du JT de Réunion Première, le président du parc a parlé de honte. Reportage à suivre. La maison Carrère, la préfecture, de nombreux monuments historiques étaient ouverts au public hier à l'occasion des 33e journées européennes du patrimoine. C'était gratuit et les visiteurs ont été nombreux, notamment à la grande mosquée de Saint-Denis. Et puis en sport, on jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe régionale de France. C'est du football, la Saint-Pierroise, l'Excelsior, Grandbois et la Sainte-Suzanne sont qualifiés. C'est un rendez-vous incontournable pour les chrétiens de La Réunion. La fête de la Salette a réuni hier plus de 2000 personnes, 2000 fidèles qui ont accompagné la Vierge en pleurs jusqu'à son sanctuaire, une marche de près de 2 km. Aujourd'hui, ce sont 10 000 fidèles qui sont attendus pour la cérémonie religieuse, le point d'orgue de cette fête de la Salette. La messe sera célébrée par Mgr Gilbert Aubry. Les précisions du père Bigue, curé de la paroisse de Saint-Leu. À Nevers, on aura quelques jeunes du diocèse qui ont participé au JMJ cette année, un grand événement vécu par l'Église tout entière. Et c'est une occasion, ils feront un petit partage pour nous partager un peu leur expérience spirituelle, comment ils ont vécu cet événement. Et la messe, ça sera à 10h, la messe présidée par notre évêque Mgr Gilbert Aubry. C'est vrai, et on a l'impression que chaque année, on a de plus en plus des participants, des pèlerins. Et ce qui montre que voilà, il y a beaucoup de grâce aussi dans ce temps des grâces pour tous ceux qui viennent en pèlerinage. Le père Big, curé de la paroisse de Saint-Leu, au micro-règne en première de Pierre Comorassamy. À Sainte-Rose, c'est une marche blanche qui a été organisée hier, une marche en mémoire de Mathieu, décédé le 3 septembre dernier suite à un choc frontal au niveau de la ravine glissante. 150 personnes étaient présentes autour de la famille de la victime, son père et sa compagne notamment. Ils voulaient sensibiliser les usagers de la route, expliquer qu'une voiture peut devenir une arme. Les armes, on en parle ce matin. Si vous en possédez une ou même des munitions et que vous souhaitez vous en débarrasser, vous avez jusqu'au 15 décembre pour le faire. C'est l'opération Déposer vos armes, lancée par la préfecture. Vous pouvez les remettre à la gendarmerie ou dans un commissariat de police. L'occasion pour nous de parler de ce qui est autorisé en la matière, puisque hormis les armes de chasse et celles destinées aux tirs sportifs qui doivent être enregistrées et suivies, un seul type d'arme échappe à tout contrôle. Lequel ? La réponse de Gérald Chanine, gérant d'une armurerie au Chaudron. Aujourd'hui, le seul type d'arme qui est autorisé, on va dire, pour le grand public, c'est les armes à air comprimé inférieures ou égales à 20 joules. Donc 20 joules, ça correspond à la puissance. Les projectiles, en général, c'est fait avec du plomb. Ça peut être fait en métal. Il y a des alliages parfois. Il y a métal, plastique, il y a plomb avec une petite tête cuivrée, tout comme ça. Mais c'est des armes qui sont potentiellement dangereuses quand même, non ? C'est dangereuse dans le sens où 20 joules, 19 joules, c'est pas rien. Si la personne est mal intentionnée et qu'il tire sur quelqu'un, ça peut faire très mal. Ça fait mal, oui. Et pour avoir une arme comme ça, qu'est-ce qu'il faut comme papier alors ? Ben, faut être majeur. C'est tout. Tout simplement. Et c'est non soumis à déclaration, donc c'est en vente libre. Gérald Chanine, gérant d'une armurerie au Chaudron, interrogé par Stéphane Hénilorac. Et précision importante, même si les armes sont détenues de manière illégale, vous ne serez pas inquiété par la justice lors de cette opération. Déposez vos armes. Les réactions se multiplient depuis le renvoi de Marilyn Waroux, la directrice du parc national. La réunionnaise a été remerciée la semaine dernière, a priori par Ségolène Royal en personne, la ministre de l'écologie et de l'environnement. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, hier, Daniel Gontier a parlé de honte et il n'est pas le seul à s'indigner. Priscilla Etève. Inacceptable, c'est toujours le même adjectif qui revient à chaque fois que certains élus de La Réunion s'expriment sur le renvoi de Marilyn Waroux à la direction du parc national. Pour Jean-Jacques Morel, responsable du parti Les Républicains à Saint-Denis, cette décision montre une fois de plus les méthodes unilatérales et brutales du gouvernement en place. C'est un manque de respect par rapport à cette directrice, hein, quelles qu'aient pu être ses missions. Elle a pu, je pense, faire du bon travail, elle a pu commettre des maladresses. Je pense qu'on ne révoque pas une personne de la sorte du jour au lendemain. La députée et présidente de l'Union des femmes réunionnaises, Huguette Bello, est persuadée que le président de région, Didier Robert, est intervenu dans ce dossier. Ce sont les déclarations dans la presse de Marilyn Waroux pour rétablir la vérité face à la volonté du président de région de déclasser le parc national en parc régional. Je pense que ça lui a été fatal. Quoi qu'il en soit, le député socialiste Philippe Naillet estime que c'est un pas en arrière dans le combat pour la régionalisation de l'emploi. Nous nous battons tous pour faire en sorte que les Réunionnais soient au devant de l'affiche, qu'ils prennent des responsabilités. Il n'est pas acceptable que le pouvoir central à Paris, là-bas, décide comme ça, sans explication, de limoger une jeune femme, une Réunionnaise de talent. Comme d'autres politiques avant lui, Philippe Naillet enverra un courrier à Ségolène Royal pour demander la plus grande transparence sur cette révocation, mais pas sûr que cela change quoi que ce soit. Et la révocation de Marilyn Waroux, on en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Éric Marguerite, secrétaire général de Force Ouvrière Réunion. Au menu également, la faible mobilisation contre la loi travail. 5h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Les musées et les monuments historiques de la Réunion ont refermé leurs portes hier soir, ce week-end. C'était en effet les 33e journée européenne du patrimoine. De nombreux sites ont accueilli des visiteurs et cela gratuitement. Il a ainsi été possible de découvrir la maison Carrère, la préfecture ou encore l'hôtel de ville de Saint-Denis. Saint-Denis, justement, où de nombreux visiteurs ont décidé d'aller à la grande mosquée du centre-ville. Il s'agit du premier lieu de culte musulman de France. Il date de 1905. Et pour l'imam Mohamed Bagat, cette manifestation permet de montrer les richesses du patrimoine, mais aussi le vivre ensemble. C'est la première mosquée de France et je pense que c'est une source de fierté pour chaque Dionysien, chaque Réunionnais, de porter en son sein la plus ancienne mosquée de France et la première mosquée de France, d'une part, mais deuxièmement, pour aussi mieux connaître l'islam, dont on entend parler souvent. D'ailleurs, on a pu le voir suite à la partie questions-réponses, où il y a souvent des questions qui sont liées à ce que l'on entend souvent sur des plateaux télé, à la radio, sur Internet. Chacun s'interroge pour savoir le bien fondé de ce qui se dit et de ce que l'on entend. Et le fait d'avoir des imams, parce qu'on peut passer devant une mosquée tous les jours, mais on n'a pas l'opportunité d'être accueilli par des imams chaque jour qui sont disponibles pour apporter des réponses aux interrogations. Mohamed Bagat, l'imam de la grande mosquée de Saint-Denis, au micro Réunion Première de Priscilla et Tev. Allez, on passe au sport avec du football. On jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe régionale de France. 8 équipes étaient prétendantes au dernier carré. Alors, qui est passé? Qui est éliminé? On fait le point avec Olivier de la Richaudie. Trois Bassins ne sera pas l'auteur du casse du siècle. Tombeur de l'US Sainte-Marienne et du Saint-Denis FC au tour précédent, le club de D2R a atteint hier ses limites face à l'Excelsior. Les Saint-Joséphois s'imposent 3-0. Pas d'exploit non plus pour l'AF Saint-Louis. Le club est passé sous le rouleau compresseur JSSP qui accuse une seule défaite depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Victoire des Saint-Pierrois 2-0. À Petite-Île, Grand-Bois fait valoir son statut de leader du championnat de D2R et se débarrasse du petit poussé Vincent Do, 3-2. La fin du rêve pour la Capricorne. Les Ravinois ont été conduits samedi 1-0 au stade Lambrakis par la Sainte-Suzanne. A noter la bonne forme du milieu offensif Florian Turpin, l'auteur de la seule réalisation de la rencontre. Et c'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et ce matin, on parle d'IndyCar avec Anne-Charlotte Costabadi. C'est tombé il y a quelques instants, c'est la toute première fois qu'un Français remporte ce titre prestigieux aux États-Unis. Simon Pagenaud devient champion d'IndyCar grâce à la dernière course automobile de la saison. Déjà leader au classement, il a remporté le Grand Prix de Sonoma il y a donc quelques minutes et c'est un sport automobile extrêmement populaire aux États-Unis. Le président François Hollande et de nombreux membres du gouvernement participent ce matin à la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Un millier de personnes, qu'elles soient victimes ou proches, sont attendues à partir de 9h à l'Hôtel National des Invalides à Paris. La cérémonie est organisée chaque année par les associations, mais vu les récents événements, elle prendra une dimension spéciale cette année. François Hollande fera un discours à 10h20 et le 19 septembre correspond à l'attentat de 1989. L'avion DC-10 explosait en vol au-dessus du Niger. 170 personnes étaient mortes, dont 54 Français. Deux adolescents de 16 et 17 ans revendiquaient la fausse prise d'otage dans l'église Saint-Leu dans le centre de Paris. Le journal L'Obs a publié un entretien avec ces deux jeunes. Ils se disent fans du célèbre hacker Ulcan. Ils disent avoir voulu faire simplement le buzz. Ils se sont d'ailleurs vantés sur les réseaux sociaux. Ils se sont donc fait passer pour un certain Père Matisse et décrit la prise d'otage dans l'église apparemment par des terroristes armés. Une centaine de policiers s'étaient déplacés. L'application d'alerte aux populations SAIP également déclenchée. Ils risquent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Jacques Chirac restera dans les prochains jours à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien président de la République a dû être rapatrié du Maroc où il séjournait avec sa femme Bernadette à cause d'une infection pulmonaire. Il aura 84 ans au mois de novembre. Sans surprise, le parti de Vladimir Poutine a remporté les élections législatives en Russie. La formation politique du président Russie Unie a obtenu la majorité absolue avec 53% des voix. On en est à peu près à 40% du dépouillement des bulletins de vote. Derrière, avec environ un quart des voix, le parti libéral-démocrate coude à coude avec le parti communiste. Et puis en Allemagne, le parti conservateur de la chancelière Angela Merkel n'aura jamais enregistré de score aussi bas aux élections régionale de Berlin. C'était également hier, environ 17% des suffrages selon les derniers résultats et conséquences de la politique migratoire dans le pays. Avec 14% des voix, le jeune parti populiste anti-migrant, anti-islam alternatif pour l'Allemagne, l'AFAD, entre au Parlement régional de Berlin. En football, suite de la 5e journée de Ligue 1 et Marseille concède un nul au stade Vélodrome face à Lyon. 0-0, Saint-Etienne bat Bastia 1-0, 1 partout pour Montpellier face à Nice. Et puis c'est bientôt la fin de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques à Rio. La France termine 12e avec 28 médailles, dont 9 en or. 5h12 sur la première. Bon, c'est un beau début de journée en perspective, Mickaël. Oui, c'est ce que nous dit Météo France, avec quelques nuages qui vont s'attarder entre Sainte-Suzanne et Petite-Île. Mais mis à part cette bande nuageuse sur l'est de la Réunion, ça devrait bien se passer pour les premières heures de la journée. Les débordements nuageux et la grisaille de l'intérieur devraient s'imposer à la mi-journée, hein, mais toujours autour des 2000 mètres. voire un peu au-dessus. Les plus hauts sommets se situeront au-dessus des nuages. Températures qui vont remonter un peu cet après-midi, mais enfin, ça sera toujours doux, voire frais, quand même sur le département. Oui. Les températures vont vraiment grimper à partir de mercredi cette fois-ci. Sûr ? C'est ce qui est annoncé. En tout cas, on verra. On croise les doigts, parce que la fraîcheur, oui, on a un peu marre. Hein, aujourd'hui, c'est pull, hein. Mettez votre toujours, pull, hein. Toujours pull, veste, doudoune, oui, si vous habitez vraiment très très haut, là-haut, là-haut. Petit bonnet pour les marmailles, on sait jamais. Hein. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Le week-end s'est bien passé, Isa ? Bah oui, mais ça c'est va ? Fini ! Bah oui, c'est terminé. C'est fini ! Oh là là, quel désespoir, oh, mes amis. Mais on est avec vous. Bah oui, c'est ça. Ça nous contente. Et ça, c'est un peu l'espoir, en fait. C'est ça. C'est parce que pendant 3 heures, un peu moins maintenant, jusqu'à 8 heures, on va passer très bon moment avec vous. On va jouer avec vous avant 6 heures. On va vous faire gagner encore oui, des places de concert, notamment pour cet événement. Oui. On y sera tous, toute l'équipe est déjà prête pour aller... pour aller quoi ? Se déhancher sur le rythme endiablé de l'Indigo. On les donne paquets, crasés. On va craser à Bon Maloya. Un bon petit Sega. Désiré François oui, sera là avec toute sa troupe. Tout ça, c'est peut-être pour vous le 7 octobre prochain, à condition de préparer son téléphone. C'est dur, hein, le matin, il est là. Il est à côté de vous, regardez. Là, tend un coup de bras. Voilà, c'est bon. Voilà, prépare pour taper 02 62 99 2000. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On va d'azote, à folle. Non, parce que d'abord, on accueille Prisca, alias Priscus, la philosophe. Qui ce week-end a eu tout le temps de bouquiner pour nous donner encore une petite phrase ce matin. Bonjour Priscus. Salut Priscus. Bonjour, comment il est ? Ça va ou même dans la fraie ou quoi, écoutez, du sud ? Ça va, 14 degrés, là je descends. Où ça ? Tampon. Ah, Tampon. Tampon, eh oui. Et là on va visiter le marché de Gros ce matin et nous serons ensuite dans un bazar de proximité qui est situé, vous savez, sur le front de mer de Saint-Pierre, pas très loin. Parce que le marché de Gros, il est ouvert entre 4h et 6h. Ah oui, après d'accord, c'est fini. Après, tac. Voilà, après c'est terminé. Après, il faut revenir jeudi. Et après, le marché de Gros, c'est le lundi et le jeudi. Donc c'est un espace de vente qui est réservé uniquement aux professionnels et aux bazardiers. Et on y trouve uniquement des produits pays. Donc on va faire le plein tout à l'heure. Énorme. Et après, ce que tu fais, Prisca, c'est que tu vas te balader un peu dans Saint-Pierre. Voilà. Pour voir un peu comment sont les gens lundi matin, c'est pas facile tous les jours. Oui. Et puis vous savez quoi, entre 9h et 10h dans la colle Jacques, on va parler de vampires. Allez, croiser des vampires. T'en as croisé ce week-end? Bah si tu vois Twilight. Réunion première. Ah bon? Réunion première. Oui, à 23h, il y a une série qui s'appelle The Strange. Aïe. Je vous invite d'ailleurs à regarder. Eh ben, on regardera bon, ça. C'est interdit au moins de 16 ans. Hein, tu m'étonnes. Bah, Rod Bouquet aussi. Donc, tu veux pas regarder, bon. Prisca, c'est ça? Comment? Tu veux pas regarder, quoi. C'est ça le problème. Merci. Ouais, bah oui. Merci. C'est ça. Vous me rajeunissez, merci. Bah oui, mais c'est bien ça. Prisca, est-ce que tu as une petite phrase ce matin ou pas? La phrase du matin. Tout bouge, tout change, sauf le changement est immuable. Ah, il va falloir qu'on réfléchisse là. Tout bouge, tout change, sauf le changement intimiable. Okay. Je crois qu'on va lancer l'horoscope. On rendez-vous avant 8h. Ouais. Bisous, à tout à merci, l'heure. Merci, Pescus. 5h15, voilà, toute la réunion, à tout de suite. 10h midi, les experts avec Claude Montagné. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Je préférerais assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma chine sur le dos pour connaître quel est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit enquête ? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagné, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Elle a eu le temps de passer le week-end, elle aussi. Oh bah j'en suis sûre. Un petit week-end sympathique, j'espère, pour toi, Juliette. Hein. En tout cas, on t'accueille ce matin. Bah oui. 19 septembre, déjà, ça passe vite. Eh oui, pour l'horoscope. Bonjour, Juliette. Bonjour à toi. Bonjour, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On l'entame avec la Saint-Émilie. Nous sommes le 19 septembre, c'est lundi, vous l'aurez compris. Voici tout de suite pour vous, juste pour vous, les prévisions astrales de la première. Les béliers, vous foncez tête baissée dans un nouveau projet. Taureau, quelques étourdis pourraient se retrouver sur le trottoir. Gémeaux, vous aurez l'impression de ne plus rien comprendre aux réactions de vos enfants si vous en avez. Cancer, au travail, vous vous imposerez une organisation méticuleuse. Lion, vos ressources, sans être mirobolantes, vous satisfont pleinement. Vierge, évitez de faire de l'humour aux dépens des autres. Vous pourriez les blesser. Balance, en cette journée, vous pourriez vous placer un peu en retrait ou vous inciter à faire un tri parmi vos relations. Scorpion, le bonheur sera au rendez-vous de votre météo amoureuse. Sagittaire, soyez attentif surtout et ouvrez l'œil. Capricorne, une rencontre est possible, les célibataires, montrez-vous disponible. Verseau, le cercle familial sera source de force et d'émotion cette journée pour vous. Et Poisson, on termine par vous, vous recevrez de certaines personnes que vous aimez des gratifications curatives. Belle journée. Des quoi? Des gratifications curatives. Curatives. Alors on va sortir le dico, hein, nous, parce que là, entre Priscus et Juliette, ça commence mal le matin. Désolé pour ceux qui se réveillent mal, nous aussi, on n'a pas très bien compris, hein, c'est bon. C'est pas grave, on va filer vers les hippodromes maintenant, oui. Parce qu'il y a eu un tiercé quarté quintet plus hier et joué à Vincennes, Isa. Oui. Et pour gagner hier à Vincennes, il fallait jouer le 14, le 12, le 4, le 10 et le 7. 14, 12, 4, 10, 7. Cet après-midi, votre quintet aura lieu à Saint-Cloud. Ce sera le prix des boucles de la Seine. Un départ prévu à 13h47, 18 partants, 2400 mètres à parcourir, 5 400 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur, du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 7, le 3, le 17, le 6, le 2, le 5, le 13 et le 4, 7, 3, 17. 6, 2, 5, 13 et 4 pour le quintet de cet après-midi à Saint-Cloud. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. On va essayer en tout cas. Bah oui, il faut. Bon. Il faut jouer responsable. On espère que ce que vous gagnerez sera pas responsable, sera fou, totalement fou. Dingue. Et vous gagnerez des belles sommes et que vous partirez dans en voyage. Tirelire, 5 400 000 euros. Comme ça, sur la plage. Une plage paradisiaque. Il y en a plein à La Réunion, mais on peut aussi en voir ailleurs. Bah oui. Très beau, hein, très magnifique pour un lundi matin comme ça. Allez, rêvons tous avec la terre, mon paradis. Gaël Valéga. Mon paradis, et là, c'est la terre. Nanas, oiseaux, la forêt et la mer. Mon petit planète bleue dans l'univers. Pour tes alliés. Même si pas nous, les propriétaires. Pour nos enfants, faut nous sans manière. Sinon, paradis sera l'enfer. Imagine un coup si dans la mer n'a mis poisson, si dans les airs n'a la poison. Comment on a fait si dans la source n'a mis de l'eau, si flamboyant, pépit le beau. Imagine un coup si dans la mer n'a mis poisson, si dans les airs n'a la poison. Comment on a fait si dans la source la pluie de l'eau, si flamboyant. Comment on a fait si dans la Et dans toute la radio à 5h22, c'est Gaël Véléen qui chante Joël Ving avec ce morceau La Terre, mon paradis sur première. Bon réveil. Ah. Ah. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah oui. Ah oui, j'en ai regardé un ce week-end d'ailleurs. Bah, moi aussi. Peter Falk, alias Columbo. Qu'est-ce que c'est chouette ces week-ends où on peut se retaper ces vieilles séries, c'est énorme, hein, qui ont bercé notre enfance. Merci aux chaînes du satellite, cool, qui nous font des petites rediffusions comme ça. Alors, ou alors sinon, toutes les trois quarts des vieilles séries comme ça là, eh bien toutes les rééditées en coffret. On les voit généralement en fin d'année, tu sais, pour Noël, il y en a plein. Et pour ceux et pour celles qui sont un peu des ardus du net, il y a aussi le téléchargement. Légal. Parfois pas tout à fait légal, oui, ça c'est vrai. Si c'est pas légal, on n'en parle pas, c'est pas bien. Ça peut arriver. Attention, maman Lisa a dit. C'est pas bien le téléchargement illégal. Peter Falk aurait eu 89 ans. Ôté. Vendredi dernier. Mm-hmm. Et ça tombe bien parce que justement, je suis tombé dessus. Alors peut-être que c'était par rapport à son anniversaire. C'est un vieux Columbo. Oui. C'est génial. Ouais, un vieux Columbo. Alors il y a eu plein de génériques parce que c'est vrai que Columbo, ça changeait toujours. C'est ça, il n'y a pas de générique attitré. Tout le temps, à chaque épisode, il y avait un générique particulier. Ça fait aussi le folklore de la série. Alors, je sais pas si vous avez regardé Columbo. Dites-nous, la série des années 80-90 que vous avez regardée sur le 06-92-70-2000. Mais série policière, hein. Oui, on va être dans la série policière parce qu'il y en a tellement de séries. Sinon, là, on pourrait faire un top 100. Tellement il y en a. T'as regardé quoi, toi, Isa, à l'époque, par exemple, toi, comme série policière? Ouais, comme série. À moi, mon affaire. Ouais. C'était Rick Hunter. Rick Hunter. Ah oui, Rick Hunter. Ah oui. C'est pas mal, c'est Rick Hunter. C'était extraordinaire, Rick Hunter. Il y avait Rick, et puis il y avait... Didi McCall. Bah oui, le duo de folie. Bah oui, moi j'ai regardé ça, comme à peu près un paquet de monde. Hein, 150 épisodes, il y a eu, c'était à partir de 1988 en France. Le duo, voilà, incontournable, ça a été Rick Hunter et Didi McCall. Et au bout de 6 saisons, Didi McCall, donc Stéphanie Kramer, l'actrice, elle a eu envie de faire une pause pour s'occuper un peu de sa vie de famille, avoir des enfants, etc. Parce que ça n'a pas l'air comme on ça, mais alors être acteur de série, ça c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Elle a voulu faire une pause. Il y a eu deux autres actrices qui ont essayé de reprendre le rôle. Un duo, on ne change pas comme ça. Hein. Non, ça n'a pas fonctionné. Vrai, hein. Sachant qu'en plus, du coup, comme ils s'entendaient moyennement... Petit message, un duo, on ne change pas comme ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour rester le matin, c'est bien. Hein. Bon, ça fait qu'un mois. Ouais. Et donc, cette... Ils s'entendaient pas très bien. Voilà, c'était juste le temps de la série. Sinon, dans la vraie vie, ils s'entendaient très, très moyennement, quoi. Bof, bof. Alors, Stéphanie Kramer, elle a eu une fille. T'as raison, elle a la vingtaine aujourd'hui, 22 ans. Oui. Mais Stéphanie Kramer, aujourd'hui, elle n'est pas toute jeune. Elle a 60 balais déjà. Hein. 60 balais. Mmh. Et elle s'est reconvertie dans la musique. C'est-à-dire Stéphanie Kramer. Elle chante. Eh bien, elle chante. Elle écrivait des livres. Mmh. Et maintenant, elle chante. Elle a envie encore de vivre sa vie. Bon, Rick Hunter, c'est bien du passé. Sachant qu'entre les deux, ils n'ont pas gardé contact. Hein. Mmh. Il n'y a plus de contact entre eux. Non, je t'ai dit, c'était difficile entre eux. Bon, après, c'était bien à la télévision et c'est ça l'essentiel, finalement. Oui, oui. Après, ce qui se passe ailleurs, c'est pas très grave. Hein. Rick Hunter, ça donnait quoi, d'ailleurs, les amis hein. Allez, un petit rappel. Un Hunter, c'est ça. Bah oui, un Hunter. Ah ouais. Il y a eu 6 saisons. Eh oui. Et en fait, c'était un sportif de haut niveau. Et à la fin de sa carrière, il a été casté pour jouer. Donc, dans Rick Hunter. Ça, c'était mon truc à moi et toi. Alors moi, je me rappelle de ça. David Hasselhoff. Dans K2000. Ah, le loto take-off là. C'est quand même le seul mec qui arrivait à choper des voleurs grâce à sa voiture. Quand même. C'est bon. Voiture qui causait pour l'époque, oui. C'était pas mal. C'était la voiture qui était le flic. Le mec qui était dedans était juste là pour la conduire, c'était David Hasselhoff. C'était plus années 80, mais ils l'ont diffusé pas mal après 90. C'est ça. Alors, on a vu pas mal d'épisodes là-dessus. Sauf que ça, c'est le genre de série, quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis « Ah ouais, quand même, hein ?» Le faille effet spécial. Ah oui, c'est un coup d'œil. C'est un vrai coup d'œil. Alors il faut savoir qu'il y a un homme qui a voulu reconstruire la fameuse voiture. Et il est arrivé. Ah bon? Donc il a mis du temps, mais il a reconstruit la K2000. Est-ce qu'il cause? Comment? Est-ce qu'il cause? Est-ce le loto? Oui, bien sûr, forcément. Bah oui, il y a tout qui est dedans. Mais l'ordinateur intégré et tout le reste. Bah oui, il a voulu aller jusqu'au bout. Mm-hmm. Mais il l'a fait. Comme quoi, on se lance des paris fous. C'est bien. Et ça arrive, cool. Ça arrive. Bon, alors il y a Rick Hunter, il y a K2000, il y a Columbo, il y a Navarro, mais il y a aussi... À moustache. Bah oui. À moustache. Lui. Lui notamment. Oh, aïe. Porte le même nom que la glace. Le Magnum. Le beau gosse de Sedam, alors il a 71 ans aujourd'hui, Tom Selleck. Oui, bah, toujours en activité, vous le voyez souvent à l'affiche de série, où il est toujours à la tête du département de police. Alors il faut savoir que Magnum, alors en France, entre 80 et 88 pour la diffusion, et comme il tournait cette série-là, Tom Selleck, et bah, il a raté quoi ? Il a raté Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Il a pas raté Les Feux de l'Amour. C'est Les Feux de l'Amour qui l'ont raté, Dali, hein. Et bah, du coup, c'est, comment il s'appelle Indiana Jones, Harrison Ford, qui a eu le rôle. Bon, c'était bien aussi avec Harrison Ford. Hein. Bon, voilà. Bon, alors, on a essayé de trouver un Magnum aujourd'hui, comme ça, parmi nous, notre entourage. Moustache au vent, chemise à fleurs. Oh, ah bah, lui. Bah c'est lui. Oui, messieurs, bonsoir. Voilà ce qui s'est passé autour de chez nous au cours de ces dernières 24 heures. Coucou Jim Allais. C'est notre Magnum à nous à La Réunion. Big up. Tiré par les cheveux quand même. Ouais, ça ressemble. C'est vrai. Moustache, chemise à fleurs. Bon, il n'a pas le même physique. Ouais. C'est vrai que là, il faudrait remettre un peu. Remettre un peu au sport. La météo, c'est pas aussi dynamique que courir après les voleurs. Bah Cécile alors. Thomas arrive pour l'info à 5h30. D'ici là, Caroline Costa avec Ailleurs. Les mêmes gratte-ciels qui me regardent haut. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves. La même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles. Où que j'aille, mes peurs me tiennent en laisse. Seule dans ma chambre, j'ai perdu le sommeil. Et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais. Par mes souvenirs et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Des horizons remplis d'espoir. Puisqu'ici mes peurs me tiennent en laisse, je pars. Je pars. Dans toute la Réunion, Caroline Costa avec Ailleurs. Bon réveil. 5h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Éliminer les armes des foyers, faire baisser la violence, c'est le but de l'opération. Déposer les armes organisées par la préfecture. Munitions et armes peuvent être rendues au commissariat ou dans les gendarmeries. Même les armes détenues illégalement. Explication dans ce journal. Pourquoi Marylène Waro doit-elle quitter son poste de directrice du parc national? Le changement de statut du parc y est-il pour quelque chose? Nous entendrons Daniel Gontier, le président du parc national. Il était l'invité du JT de Réunion Première hier soir. Un hommage aux engagés indiens hier à la Grande Chaloupe. Le lazaret a fait revivre aux visiteurs le quotidien de ces hommes et de ces femmes venus travailler dans l'île. Et puis attention, si vous devez passer par Saint-Lô aujourd'hui, il y aura encore beaucoup de monde. Dernier jour du pèlerinage de Notre-Dame de la Salette. Une messe sera dite par l'évêque de La Réunion. 3 mois d'amnistie, c'est ce que vous propose l'État si vous souhaitez déposer les armes. Depuis jeudi dernier jusqu'en décembre prochain, vous pouvez vous débarrasser des armes et des munitions que vous avez chez vous. Vous pouvez remettre ces objets à la gendarmerie ou dans un commissariat de police. Et même si ceux-ci sont détenus de manière illégale, vous ne serez pas inquiété par la justice. Des violences avec armes, on en annonce souvent dans nos journaux. Mais il est difficile d'estimer le nombre de ces armes en circulation à La Réunion. Sauf pour celles qui sont répertoriées dans certaines catégories, les C et D, qui regroupent les armes de chasse notamment, et pour lesquelles il faut un permis. Un registre est tenu et l'État en est régulièrement informé. Les précisions de Gérald Chanine, il est gérant d'une armerie et d'un stand de tir dans la zone industrielle du Chaudron à Saint-Denis. Depuis 2006 que je suis dans le milieu, quand je prends mon registre, je suis à 457. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Au total, il y en a qui ne sont pas vendus, je veux dire. Mais la majorité, on va dire les 400 et quelques, c'est vendu. Il faut savoir, le Gomcon, le fameux Gomcon, c'est classé C3. Mais c'est pas utilisé comme arme de chasse, le Gomcon. Non. Ouais. Non, mais c'est classé C. Pour un Gomcon, il faut pièce d'identité, le certificat médical qui justifie de votre bonne intégrité physique et psychique par votre médecin traitant, qui date de moins de un mois. Et c'est une arme qui est soumise à déclaration. Donc, quand l'arme est achetée, moi, j'ai l'obligation en tant que professionnel de faire parvenir la déclaration à la préfecture sous un mois. Gérald Chanier répondait à Stéphane Enilorac. Vous avez donc jusqu'au 15 décembre pour déposer vos armes dans un commissariat ou à la gendarmerie. Sans que l'on vous pose de questions sur leurs origines, aucune sanction administrative ou judiciaire ne sera engagé. On poursuit avec la violence routière et le recueillement hier à Sainte-Rose en mémoire de Mathieu Mercereau. Ce jeune habitant de la commune est décédé le 3 septembre dernier après un choc frontal. Choc provoqué par un autre automobiliste qui doublait un camion sans visibilité dans un virage à ravine glissante. Hier donc, une marche blanche était organisée pour sensibiliser aux dangers de la route. Un peu plus de 150 personnes se sont rassemblées en soutien à la famille de Mathieu et notamment aux côtés de Patrick, le père de Mathieu. Il était dans la voiture lui aussi au moment du choc. Non, il n'est pas vraiment collé à nous. Mais bon, Dieu, ça m'a fait en l'air. Il n'est pas collé pour encore le marmaille, nous. Lui, il ne faisait pas la famille, même pas ni voir nous du tout. Quand même, on ne sait pas quoi ça, nous. Il me semble mal. Ouais. Où t'es dans la voiture? Oui. Je vais avec mon petit manœuvre, avec le chauffeur. Et quand il a vu l'accident, c'est bien là. C'est une magie la mort en face de nous. Voilà. On était à 5, on était un peu de travail, disons. Voilà, on est mon garçon avec la mort aujourd'hui, la semaine ici. Qu'on peut faire. Avec la mort, on ne peut rien faire avec la mort. On y fait avec. Patrick, le père de Mathieu, interrogé par Henri Claudelma et Philippe Poirot. 5h35 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Retour ce matin sur l'éviction de Marilène Hoareau à la tête du parc national. La directrice était a priori débarquée par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Une décision qui ne passe pas pour le président du parc, Daniel Gontier, qui parle de honte. Il était l'invité du journal télé de Réunion Première hier soir. On le sait, Didier Robert, le président de la région, a pour ambition de changer les statuts du parc. De national qu'il devienne régional. Alors, est-ce que rien ne va plus au parc? Daniel Gontier reconnaît à mots feutrés que les relations entre élus pourraient se tendre à la suite de cette affaire. J'ai eu cette chance dès 2001 de porter la mission parc, de faire évoluer la loi de 60 sur les parcs nationaux, de créer le décret de création de 2007 et d'être avec une équipe porteur du bien patrimoine mondial, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que c'est comme parc national? Le mot national, c'est la reconnaissance la plus haute qu'il existe à l'intérieur, quel que soit le pays. Aujourd'hui, le président de région souhaite lancer une étude. Je lui dis aussi que lorsque nous avons travaillé, nous avons fait un texte réunionnais pour les réunionnais, et même il a été difficile de le passer au Conseil d'État, parce qu'il était tellement taillé pour la Réunion que il pouvait pas être à l'échelle nationale. La régionalisation est, à mon sens, un faux débat. Daniel Gontier répondait à Émilie de Balmann. Vous serez des dizaines de milliers à vous retrouver à Saint-Leu aujourd'hui pour le dernier jour de la fête de Notre-Dame de la Salette. Le pèlerinage a commencé il y a 10 jours et s'achèvera donc aujourd'hui avec une messe dite par l'évêque de la Réunion, Gilbert Aubry. Ce pèlerinage à la Salette, c'est l'occasion pour les catholiques de l'île de célébrer la famille. C'est une tradition. Nous allons autant maman fait ça, mais à nous c'est la nuit, puis à nous c'est sur la tradition, nous amène les enfants pas punir. Mais moi j'ai eu un souci à 3 ans c'est là et à chaque fois il vient il a toujours accordé à maman, il continue de venir pour ça. Depuis petite c'est ma grand-mère qui m'emmenait, donc c'est toujours resté l'habitude. comme le monde, ça va en dérivé, la même plus valeur, la même plus rien, tout ça là en train de casser. Et quand on voit ailleurs, on a la guerre, on a des enfants à pas manger, on est en train de déchirer à nous, vaut mieux nous mettre la foi dans notre cœur. Tous les ans, on nous fait ça en famille. Et moi, elle m'a déjà fait à pied depuis 3 heures du matin, de Saint-Paul à Saint-Leu. Surtout pour moi, pour les autres, et que ben, ce monde-là, il devient un peu un monde de paix. Des propos recueillis par Pierre Komorasami. Et soyez prudents si vous circulez dans le secteur, il y aura beaucoup de piétons. Un hommage aux Indiens engagés, c'était hier au lazaret de la Grande Chaloupe à l'initiative de l'association Tamin Changan. Le site était ouvert au public et des visites guidées étaient organisées. Le lazaret est un lieu chargé d'histoire qui a vu arriver les engagés à partir de 1860. Hier, des acteurs ont retracé des scènes de la vie courante des engagés indiens. Christelle Florécourt était dans le public. Il y a un pilon où on l'actionne en roulant, en quelque sorte. Il y en a un autre où directement avec le mortier, on vient directement l'écraser. Avec leurs pilons, leur peau en cuivre et leurs hamis, vêtus d'habits en lin de couleur crème imitant ceux des engagés indiens, arrivés au 19e siècle sur l'île, Samuel et trois autres acteurs miment des scénettes de la vie courante de l'époque, interpellant les visiteurs du lazaret. C'était très intéressant de savoir les premiers arrivants de la zone océan Indien avec leurs traditions culinaires, culturelles, culturelles aussi. Ça nous fait prendre conscience d'où nos anciens arrivaient, dans quelles conditions. C'est bien de connaître un petit peu son passé. Une matinée où les cultes et la culture tamoule ont investi le lazaret de la Grande Chaloupe. Et cette année, la cérémonie d'hommage aux ancêtres, clôturée par des offrandes jetées à la mer, a aussi attiré le public des Journées européennes du patrimoine. Nathalie Waropungam-Vanon, vice-présidente de l'association Tamil Changan. Cette année, exceptionnellement, oui, ça coïncide. On travaille en partenariat avec l'association des Poussaris de la Réunion. Et c'est eux qui nous disent dans cette période-là quelle est la date qu'ils vont venir ici pour nous. 16 jours après la nouvelle lune, l'hindou rend hommage à ses ancêtres. Un hommage mais aussi un travail de mémoire dans un lieu où ont débarqué les nouveaux Réunionnais. Un reportage de Christelle Florécourt. Beaucoup de pluie, mais un public conquis. Les conditions météo n'ont pas été faciles, mais le Manapani Festival a fait le plein ce week-end. Plus de surf, plus d'escalade cette année. Les sports de glisse à roulettes ont pris la suite. Roller, trottinette, skate, BMX et VTT, là c'est les plus grandes roulettes, ont assuré le show. Sur scène, les groupes locaux ont mouillé la chemise. Et pour les organisateurs, le bilan est plutôt bon malgré l'adversité. Flavien Branchereau, vice-président de Trois Pics qui organisait le festival. Il y a eu pas mal de soucis liés à la pluie, il faut être honnête, mais ça s'est très bien réglé tout ça. Et nous, sur le concert de samedi soir, ben on est en hausse de fréquentation par rapport à l'année dernière, donc nous on est plutôt contents. Voilà, ça a plutôt bien marché sur le samedi soir pour nous, on est plutôt satisfaits. En plus, sur les places payantes, on a une augmentation assez forte. Donc nous sur le samedi, le bilan est vraiment positif. Les animations, ça a bien marché, le VTT trial, c'était assez impressionnant et tout ça, ça a bien marché. L'acrobranche, ça n'a pas arrêté, voilà. Du coup, tout a bien marché. Le concours de pêche n'a un peu moins bien marché, mais c'est à cause du temps et la mer n'était pas très clémente et du coup il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. Il y avait de l'ambiance au Manapani Festival. Flavien Branchereau, organisateur de l'événement, répondait à Pierre Komorasami. On attend le prochain week-end pour encore faire la fête. Tu m'étonnes. À Manapani, encore la pluie. Mais non, bah Cécile, si. Oh là la là. Pluie elle vient tous les week-ends. Cécile. Oh l'optimisme de Cécile. Oh lundi Thomas. Matin, ça y est, elle nous casse le plan. Hein. Cécile, on file dans sa chambre. Allez, allez. Bon, puni, tout à l'heure. Allez. Puni, jusqu'à 6h30. Voilà. 6h le journal avec Plan d'en haut. Il est 5h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Alors Cécile aura peut-être raison pour le mauvais temps le week-end prochain, mais pour aujourd'hui, c'est soleil pour démarrer la journée, voilà, Mickaël. Soyons optimistes jusqu'au bout. Et température fraîche ce matin, à peine 2 degrés au volcan. Ah, t'as raison, c'est optimiste. 6 degrés à Silos, c'est encore l'hiver, on n'y peut rien. Et 19 degrés à Saint-Gilles, tout comme à Saint-Pierre. Il fait 11 au tampon, on se réveille quand même sous le soleil, hein, ciel dégagé. Qui s'ennuagera cet après-midi à la faveur du vent qui va souffler encore plutôt fortement sur le nord et le sud. Saint-Pierre et Saint-Denis avec des bonnes rafales, 60 km/h à nouveau, qui nous donneront donc un petit ennuagement entre Saint-Denis et Saint-Paul et dans l'intérieur de l'île, des nuages qui vont déborder sur la partie nord-ouest de l'île. Partout ailleurs, l'impression de beau temps dominera, mais avec du vent et encore de la fraîche. Allez! La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Quand il pleut, c'est pas bon. Non. Quand il fait soleil, c'est pas bon. Bah, si quand c'est il bon. Fait trop frais, c'est pas bon. Quand il fait trop chaud, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? 5h42. Mais que du soleil et des bonnes températures. Mais il fait frais. Mais ça, c'est pas possible, ça. C'est le monde idéal, Lisa. Ça n'existe pas. Bientôt, tu vas voir. Bientôt, peut-être. Alors, 5h42. Restez là, c'est grand matin. Et avant 6h, on vous fait gagner vos places pour aller en concert, justement. Oui, c'est promis. Ça se passera au 02 62 99 2000. Vous avez encore le temps de vous réveiller. Affole pas. Allez, à tout de suite. Et on file au bazar aussi, juste après. Eh oui, à Saint-Pierre. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20 et votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid. Du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. Une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expo Bat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalubang.re. Première. Tiens, enfin, gros bisous à Gigi Candy Girl. Merci pour vos grands matins multivitaminés. Oh, c'est gentil ça, Othé. Merci à toi, Gigi. Merci à tous de nous suivre aussi chaque matin. Ça, c'est sympa, c'est vrai. C'est combien vrai. De fois bah, toute la vie. Bah, tant Omega, qu'il faudra, écoute. Première. Combien de fois, Miwa, nous ensemble. Un jour, m'a trouvé le bout, même si l'amour est impossible. Combien de fois, ma rêve d'où. Combien de fois, Miwa, nous ensemble. C'est pour nous dire, c'est le bout de m'y croire encore. Même s'il est pas simple pour nous dire, m'y tient le bout de bébé, oui, m'y croire encore. Avec vous, veux vivre mon life. Girl, oublie ma flamme. Girl, mami veut donner à vous tout mon love. Girl, mami veut donner à vous rien que le love. Oui, mami veut, c'est un fort dans mes bras. Non, non, non, pas meilleur que ça. Les mieux qu'on va ensemble, faut vivre ça. Dis-moi combien de poèmes, combien de regards échangés. Combien de fois nous fait la bise. Dis-moi combien de fois vous envahit mes pensées. Combien de jours, faudra combien de mois. Combien d'années vais-je t'attendre. Ton sourire me charme et me tend. Oh my baby girl. Même s'il est pas simple on nous dit. Que ça Et comme Gigi et les autres vous réveillez avec nous chaque matin, et ça nous fait plaisir. C'était ça, c'est vrai. Combien de fois Omega, et on va filer là aussi, hein, comme chaque matin, sur le bazar. Exactement, direction Saint-Pierre. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Au marché de Gros Prix, qu'est-ce qu'il y a encore de monde dans ces heures-ci? Oui, ok, nanan, si Madame Courage là, Madame Courage. Madame Mondon, quand je la vois porter les caisses d'haricots, j'ai mal au dos pour elle. Bonjour Madame Mondon. Bonjour. Edali. Comment ça va ce matin? Combien de kilos lavez là dans la caisse? 5 kilos. 5 kilos d'haricots? D'haricots tendres. D'haricots tendres, sans fil ça? Oui. Oui. Alors vous venez vous ravitailler ici puisque vous avez un commerce, c'est ça? Voilà, on a un commerce. Avec Et on est aussi vendeur. Oui. Donc vous êtes vendeur, agriculteur, planteur? Planteur, oui. En fait, chanteur. Tout. Voilà. Chanteur aussi? Non, pas encore. Et tout à l'arrivée là, t'as pas payé le chauffage ici ou quoi? Ah, ben négatif. Non, parce qu'il fait extrêmement froid sur le marché forain de Saint-Pierre. En fait, il y a un vent glacial, en fait. Eh oui. Ça va, il faut bouger pour pas avoir froid. Bah oui, bah m'y vois, parce qu'à depuis ce matin, on est dans l'élan. C'est pour ça qu'elle porte. Allez-y, Madame Mondon, parce qu'en plus, elle tient la caisse en même temps qu'elle me parle. Et, et juste à côté de Madame Mondon, nana, Monsieur Mondon. Comment il est, Monsieur Mondon? Ça va, Monsieur Mondon? Il lui porte rien, lui. Ou la frais ou quoi? Non, c'est pas frais, là. Bon, les affaires étaient bonnes ce matin. Je vois que Madame est dans l'action, Madame Mondon. Vous avez acheté quoi pour votre commerce là? Ah, c'est elle la prix, pas moi. Ma mère n'achète pas. C'est elle qui achète les légumes. D'accord. Lui, et regarde. Donc, oui. Non, lui, il vend, lui. Lui est d'accord. Vous vendez quoi, vous, monsieur Mondon? Tomates, brangelles, papayes. Elles étaient bonnes, les affaires, ce matin? Oui, à peu près. Et la caisse de tomates, c'est négocié à 15 euros, monsieur Mondon. 15 euros, il ne vaut pas la peine. Bah, à quoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas rien, non? Oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Ça veut dire que nous, on va peut-être acheter un kilo de tomates à 50 centimes, là, cette semaine, c'est ça? 60 centimes. Ça, ça, c'est bon, ça, pour ceux qui adorent faire le curry, la salade de tomates. La confiture. La confiture de tomates. Bon, par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour l'agriculteur. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Vous avez réussi à tout vendre ce matin? Oui, tout, ouais. Passer à la vente toute. On va dire que c'était un bon lundi. Oui. Merci, monsieur Mondon. Merci. Je vais me rapprocher vers Joanne. Joanne, c'est un planteur de tomates aussi. Aïe, attendez, je jette un petit coup d'œil. Je crois qu'il est allé prendre son petit goûter. Ah, il est ça pas arrive, Joanne. On est en direct. Oui, parce que vous savez, on est en direct. Et puis, je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe, le marché de Gros. Enfin, c'est un voire gros non, parking. Mais on imagine. Alors, c'est un grand parking, je vous explique. C'est fais un grand parking. Nous. Donc, d'un côté... D'un côté, vous avez les agriculteurs, comme Emilien et son Dallon, bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté du marché, vous avez les bazardiers, donc qui se garent et qui viennent acheter donc les légumes et les fruits avec peut-être Emilien. Il est où, Emilien? Déjà parti, il vient de partir. Ça y est, c'est terminé la journée pour lui? Non. Non? Presque. Il va repartir dans les champs, c'est ça? Voilà. C'est une deuxième journée, en fait. Voilà. Beaucoup de courage hein, pour ça les quand, agriculteurs. Ouais, c'est vrai, pour le coup, on dort quand? Oui, quand tu dors? Mais il n'y a qu'un soir. Ah, que ce soir. Et entre le marché de Gros, c'est le lundi c'est et le jeudi. Jeudi à 1h30. Il faut savoir que les bazardiers sont là depuis hier soir, en fait. Hein. Quelle heure elle arrive là, hier soir? Nous, on arrive, une heure, mais on n'a pas arrivé à 7h. C'est 19h hier soir. Bah bon courage à tous, hein, les amis. Hein. Allez, là, on vous embrasse. Et puis rendez-vous tout à l'heure. On sera dans un bazar de proximité situé pas très loin de la Ravine Blanche. Vous savez, là où on fait le sac qu'il faut. Là. D'accord. On sera de l'autre côté, en direct sur Réunion Première. Merci Prisca, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, c'est le moment qu'on prend pour jouer maintenant, ici sur Première. Grand matin, le mixeur. Alors je me demande si on va le virer ou pas, DJ Fou. Bah il est là, voilà. Et c'est lui qui amène le bon mix. C'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, va y aller. À part ça, il fait pas grand chose. Hein. Et ouais, bon. C'est déjà pas mal. Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il est 5,50. Bon, on le paye pas beaucoup non plus. Voilà, DJ Fou est là et il nous a fait un mix comme chaque matin. Bah voilà, et vous, eh ben, vous devrez deviner qui ça, il chante ou bien c'est quoi le titre de la chanson. On a deux pour trouver, ça même. Alors faut trouver le titre. Allez, on va voir c'est si c'est facile. Quand même. À voir. Bah j'espère enfin DJ Fou, c'est bon là quand alors, même. C'est lundi matin quoi. Commencez à appeler 0262 99 2000 parce que le 7 octobre prochain on vous envoie, vous êtes les privilégiés de Réunion Première. Voir l'Indigo aux premières loges et Désiré François. Ça même, c'est le concert Enfants Zilois. Ah, facile. On l'a tellement entendu ça à une époque. Ça y est, j'ai trouvé le nom. Ils sont magiques. Ah oui, hein. Donne c'est la le réponse. Premier extrait. Ah, c'est le deuxième. Ah, facile aussi. Le duo. Je pense que maintenant, vous pouvez appeler. Allez, vous avez les deux. Mais comme si j'avais ah, la terre. 02. Sorti la grand voile et j'ai glissé. Ça va. Sous le vent. Ça peut aller là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Sous bon. Le vent. On l'arrête ou pas? 0262 99 2000. Salut tout le monde. Bonjour, qui veut gagner des cadeaux? Qui veut gagner des cadeaux avec nous? Allô, parlez sans crainte. Faut parler, faut parler. Allô. Bonjour. Ah, c'est qui à l'appareil? Christophe. Bonjour. Salut, Christophe. Christophe. Christophe, il fait quoi dans la vie? Dans le milieu hospitalier. Dans le milieu hospitalier. Et déjà êtes, sur la route. Vous avez fait quoi d'autre week-end? Bah, ce week-end, la partie nettoyer un peu la cour. Ah, bah, il faut de temps en temps qu'on ait un petit temps. Bas de béton, aïe aïe aïe. La part reposée, quoi. Pas trop. Pas tellement. Christophe, Christophe, la prochaine fois, vous y pensez, vous m'invitez pas. Hein. Bon, pour le week-end. Si mes fins s'y pas trop fond au croix de la lumière. Ah, là, par contre, là, c'est vrai. Je peux vous aider à balayer la cour. Là, c'est. Bas de béton, non, mais. Avec quoi? Avec Rougaïmond. Oh là là. Ah, bon, on est d'accord. Oh on est d'accord. Là, bon, là, je note. Christophe, week-end. Quel coin, ça, Christophe? Pardon? Quel coin, quel côté? Sainte-Rose. Sainte-Rose. C'est noté. Christophe. Bon, on a la bonne réponse, Christophe. Vous l'entendu? Ok, la Magic System, puis avec Garou, non? Mais ben voilà. Garou, Céline Dion sous le vent. Ben alors. Magic System avec premier Gao. C'est gagné, ouais. Bravo, bravo Christophe. Bravo Christophe. Alors on vous applaudit tous avec DJ Fou, bravo, bravo, voilà. Bravo, bravo, bravo. Bah, félicitations, vous empochez vos invitations pour ce concert Enfants Zillois le 7 octobre au Petit Stade de l'Est. Comme ça, là vraiment, on va gagner reposer et amuser en même temps. On va voir les deux les possibles. Et Christophe, la prochaine fois que vous appelez, c'était la première fois donc vous saviez pas. Bah oui. Vous baissez la radio. Bah elle est bon. Pour la prochaine fois. C'est bon. Bah connais aussi Sainte-Rose, hein, donc tu vas pas mettre un peu fourri en temps parisien. Oh la vieille excuse. Bon, ok, allez. Ah Isabelle. Ah bisous. Pour cette fois, mon Christophe, c'est bon. Mon Christophe. Allez, bye bye. Salut bientôt. Christophe, à plus tard. Allez, bye bye. Il est 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion première vous fait part du décès de Monsieur Mahavande Charles André. Monsieur Mahavande Charles André, dit T-Charles. Le décès est survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie aujourd'hui à 15h. L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Marie-Ville. Décès de Monsieur Zite Charles Louis Gaston. Monsieur Zite Charles Louis Gaston. Le décès survenu vendredi à l'âge de 86 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 25 rue du Lagon à Saint-Leu. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Hélin Georges. Monsieur Hélin Georges. Le décès survenu à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira du 34 chemin Auguste à Piton-Saint-Leu. La bénédiction ralliant l'église de Piton-Saint-Leu, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. La date sera précisée ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Mickaël, y a-t-il des infos pratiques pour aujourd'hui? Ouais, enfin, quelques coupures d'électricité à prévoir, comme d'habitude, ça fait pas plaisir. Mais il va falloir malheureusement s'y faire à Saint-Paul. De 9h05 à 11h30 à la cité Panon, c'est une partie de la cité qui sera concernée, tout comme d'ailleurs une partie de la rue Raphaël-Babé à Saint-Joseph, cette fois-ci de 9h15 à 14h. De 8h30 à 16h45, la coupure plus longue à Saint-Denis. Ça aussi, vous allez apprécier. Hein. J'espère que vous n'êtes pas chez vous. Chemin de la Grotte, Breton, Fontbrune, en partie chemin des Vacois, chemin du premier bras en partie, chemin des Tournesols et des Cocotiers. Sainte-Marie de 8h15 à 8h30, la 15 minutes. Comme ça, on vous coupe, hein, ça fait plaisir. Chemin, pas trop long. Chemin de l'île en partie, Piton Rouge, rue des Franciséas et impasse des Iris. Et puis de 7h à 14h à Saint-Paul à nouveau, rue du Commerce, rue 1 et Danube et ruelle de la Poste. Je sais, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Collecte de sang à l'EFS aujourd'hui aussi, à la mairie du Port de 8h30 à 13h et au Collège de la Marine à Vincent Dau de 8h à midi. Ça par contre, allez-y, donnez votre sang, c'est toujours important. Vous sauvez des vies en donnant votre sang. Et ce matin, tiens, pourquoi pas aller faire un tour au Port et à Vincent Dau. Un jour je suis prédateur. C'est Amir ? Oui, Othé. Et ça annonce que dans 3 minutes, ça sera Florent Marot aussi, c'est là, ça. Ici. Puisqu'il sera 6h et ce sera l'heure du journal. D'ici là, c'est au cœur de moi dans toute la Réunion. Bienvenue à tous. Au cœur de moi, de toi. Jusqu'à 8h, Isabelle et Mickaël, pour vous servir. Qui fait son cinéma. Un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. L'ange au cœur de moi, au fond de mes racines, de mes racines où personne ne va. L'ange au cœur de moi, le temps nous laisse en ruine, nous laisse en ruine. En toi, viens, écris sur ma peau les mots que je n'ose pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Même au bord du chaos, si je tombe, tiens-moi, tiens-moi. Et j'entends ton écho. Oh, oh, oh, c'est la voix d'un jour nouveau. Le plus beau. Sur ma peau les mots que je n'ose pas. Mais au bord du chaos, si je tombe, tiens-moi. C'est lui-même qui avait chanté « J'ai cherché pour l'Eurovision ». Voilà. Alors c'est une phrase, c'est une suite. « J'ai cherché au cœur de moi ». Mais on ne sait toujours pas ce qu'il a cherché. Mais pour savoir quoi, on saura pour le troisième chanson. C'est, peut-être pas, parce que là, il va encore nous donner un indice où il a cherché, puis ensuite on saura peut-être enfin... D'accord. Voilà. La chanson énigme. C'est Amir, ça. Sur la première. Amir Haddad, au cœur de moi sur première. Bon réveil à tous. Merci. Bienvenue. D'être avec nous, il est 6h. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Plus de 10 000, c'est le nombre de fidèles attendus aujourd'hui à Saint-Leu. La fête de la Salette se termine ce lundi avec la messe célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry. Hier, 2 000 fidèles ont partagé un repas avant d'accompagner la Vierge en pleurs jusqu'à son sanctuaire. Reportage à suivre. À Saint-Trol, c'est une marche blanche qui a été organisée hier. Une marche en mémoire de Mathieu, décédé le 3 septembre. 150 personnes étaient présentes autour de la famille de la victime. Le week-end rythmé par les journées européennes du patrimoine n'a malheureusement pas calmé les esprits. Les réactions continuent après la révocation de Marilène Noirot, la directrice du parc national. Daniel Gontier était hier soir l'invité du JT de Réunion Première. Il a une nouvelle fois parlé de honte. Enfin, on reviendra tout à l'heure sur les quarts de finale de la Coupe régionale de France et du football. Il sera aussi question du Manapani Festival. Il a fermé ses portes hier soir. Ils étaient 2000 hier, ils devraient être au moins 5 fois plus nombreux aujourd'hui à Saint-Leu. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui Notre-Dame de la Salette, un pèlerinage qui a démarré le 10 septembre dernier avec la traditionnelle neuvaine. Aujourd'hui, plus de 10 000 fidèles sont donc attendus pour assister à la messe célébrée par Mgr Gilbert Aubry. Hier déjà, je vous le disais, 2000 personnes avaient fait le déplacement pour accompagner la Vierge en pleurs jusqu'à son sanctuaire. Ils ont aussi partagé un repas. Une tradition qui dure depuis très longtemps. Pierre Comorassami. Debout à côté de son pick-up, Jean-Claude Tionoué attend le prêtre qui doit bénir le repas partage offert par des familles saint-leusiennes. Jean-Claude est la troisième génération à perpétuer cette action de charité. Auparavant, notre grand-père, tout ça, on s'arrête ici. Toute la famille est réunie, il donne un repas de riz, carré, légumes alors. Que légumes, hein? Après, mon papa. C'est-à-dire qu'elle commence à donner, elle donne pas mal de temps. Et donc là, moi, elle a fait la relève. Au début, on ne servait que des repas chauds. Mais au fil du temps, certains donateurs, comme Jean-Claude, ont opté pour un sandwich. Je connais longtemps, famille, t'es groupée. T'es donne manger, en tout. Mais maintenant, chacun de l'autre côté. Donc, pour faire cuire, après un trop de main-d'œuvre, on peut faire donner des petits pains et fromage. À côté, les familles Ponty et Pade ont dressé une table. Et sur le plateau d'un camion, juste derrière, de grosses marmites noircies par le feu de bois laissent échapper d'agréables odeurs de curry massalé. Céliane Padre. Aujourd'hui, on a poulet massalé, on a pois massalé, on a pommes de terre bringelles, on a des sachets pastilles, on a les limonades, tout. Toutes les amies, les camarades, tout y associés nous viennent, nous donnent, nous partagent. Chaque 18 septembre, une dizaine de familles saint-leusiennes perpétuent ainsi cette tradition qui permet aux pèlerins de bénéficier d'un repas béni. Un repas que certains ramènent à la maison pour le partager avec ceux qui n'ont pas pu venir, principalement avec les malades ou les personnes âgées. Et la messe célébrée par Mgr Gilbert Aubry est prévue à 10h ce matin à Saint-Leu. À Sainte-Rose, c'est une marche blanche qui a été organisée hier, une marche en mémoire de Mathieu, décédé le 3 septembre dernier, suite à un choc frontal au niveau de la ravine glissante. 150 personnes étaient présentes autour de la famille de la victime, son père notamment, et sa compagne, Laetitia. Triste, malheureuse, et toute. Mais complètement dépitée. Il note la colère en haut. Il sert à quoi, monsieur? Il revient pas. Mathieu revient pas. Il sert à quoi? Laetitia, la compagne de Mathieu, interrogée par Henri-Claude Elma et Philippe Poirot. Les participants à cette marche blanche voulaient également sensibiliser les usagers de la route, expliquer qu'une voiture peut tout à fait devenir une arme. Et puisque l'on parle des armes, si vous en possédez une ou même des munitions et que vous souhaitez vous en débarrasser, sachez que vous avez jusqu'au 15 décembre pour le faire. C'est l'opération Déposer vos armes lancée par la préfecture. Précision importante, même si les armes sont détenues de manière illégale, vous ne serez pas inquiétés par la justice. Que reproche-t-on à Marilène Waro? C'est la question que se posent nombre de Réunionnais ce matin encore. La Réunionnaise, directrice du Parc National, a été remerciée la semaine dernière, a priori par Ségolène Royal en personne, la ministre de l'écologie et de l'environnement. En toile de fond, le désaccord sur la régionalisation du parc. Hier, Daniel Gontier a parlé de honte. Le président du Parc National était l'invité du journal télévisé de Réunion Première. Elles sont parfois dites et non dites. Je crois comprendre que l'intervention de Madame Waro à l'intérieur du journal Le Quotidien a interpellé le ministère. Je précise qu'aujourd'hui, Madame Waro a répondu au quotidien avec l'accord de moi-même, président, pour que justement nous soyons en transparence auprès de tous ceux qui sont autour de nous. J'ai précisé au président de région Didier Robert qu'il y avait erreur sur l'analyse et que, autant auprès de la ministre que auprès du président de région, on les avait mal conseillés. Daniel Gontier, président du Parc National, interrogé par Émilie de Balmann. La révocation de Marilène Waro, on en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Éric Marguerite, secrétaire général de Force Ouvrière Réunion. Au menu également, la faible mobilisation contre la loi travail. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Les musées et les monuments historiques à l'honneur ce week-end à l'occasion des 33e journées européennes du patrimoine. Dans l'île, de nombreux sites ont accueilli les visiteurs gratuitement. La maison Carrère, la préfecture ou encore l'hôtel de ville de Saint-Denis. Nombreux sont les sites qui étaient accessibles. À la Grande Chaloupe, le public était invité à visiter le Lazaret. Outre les expositions, les visiteurs pouvaient assister à des scènes de la vie courante des engagés indiens. Un hommage initié par l'association Tamin Changam, qui a intéressé le public. J'ai vu qu'ils vivaient de ce qu'ils trouvaient dans la nature, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nature, et ils se soignaient avec les herbes, les trucs comme ça. On y voit un coup de Lazaret, on est déjà venu plusieurs fois, commémoration des engagés qui étaient là à l'époque. Puis on est venu voir aussi la restauration du cimetière, on a regardé un petit peu les expositions à l'intérieur des bâtiments, et on voit la vie que c'était à l'époque, c'est pas vraiment évident pour les gens qui arrivaient là. Si on visite le Lazaret 1, on voit qu'il n'y avait pas que des Indiens qui passaient par le Lazaret, en fait tout le monde passait par le Lazaret, tous ceux qui risquaient de faire entrer dans l'île des maladies. Intéressant, retour aux sources, on va dire. On se met à la place, on essaye d'imaginer ce que ça peut être. On a la chance aujourd'hui d'être arrivé à ce stade d'évolution et en pensant aux ancêtres, je suis émue. Des réactions recueillies par Christelle Floricourt. Le Manapani Festival s'est terminé. La 16e édition a été perturbée par la pluie ce week-end, mais les organisateurs sont globalement satisfaits par cette édition 2016. Malgré l'arrêt du surf et de la compétition de bloc, la manifestation a gardé son ambiance familiale et festive. Les organisateurs qui se projettent d'ailleurs déjà vers 2017. Les précisions de Flavien Branchereau, vice-président des Trois Pics, organisateur de l'événement. De manière générale, voilà, tout le monde est satisfait à trouver sa place dans le festival aussi. C'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude les sports de les intégrer dans le festival, mais tout le monde a bien trouvé sa place et ça a bien fonctionné. Les gens de Manapani étaient bien présents sur le site cette année, ça nous a fait plaisir aussi. Voilà, enfin, on a des bonnes opportunités pour l'année prochaine et voilà, de encore élargir le nombre de sports et tout, peut-être le retour du surf et tout ça, on espère, et continuer voilà, dans cette lancée. Nous, on est un club de surf à l'origine, donc c'est une de nos priorités. On y travaille depuis quelques années, et là, les choses se mettent en place, il y a des démarches qui ont été entamées, le travail est en cours. Flavien Branchereau, vice-président des Trois Pics, au micro Réunion Première de Pierre Comorassami. Allez, on termine avec un mot de football. On jouait ce week-end les quarts de finale de la Coupe Régionale de France. La Saint-Pierroise s'est qualifiée en battant l'AF Saint-Louis 2-0. Qualification également de l'Excelsior pour les demi-finales. Victoire 3-0 face à Trois-Bassins. Samedi, Grand-Bois face à Vincendeau et Sainte-Suzanne face à la Capricorne. C'était également qualifié. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Aujourd'hui, Anne-Charlotte Costabadi. Le président François Hollande et de nombreux membres du gouvernement participent ce matin à la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. Un millier de personnes, qu'elles soient victimes ou proches, sont également attendues à partir de 9h à l'Hôtel National des Invalides à Paris. La cérémonie est organisée chaque année par les associations, mais vu les récents événements, elle prendra une dimension particulière cette année. François Hollande fera un discours à 10h20. Eux auraient voulu faire croire à une prise d'otage par des terroristes. Deux adolescents de 16 et 17 ans affirment être à l'origine de la fausse alerte attentat dans l'église Saint-Leu ce week-end dans le centre de Paris. Le journal L'Obs a publié un entretien avec ces deux jeunes, fans du célèbre hacker Ulcan. Ils disent avoir voulu simplement faire le buzz. Ils se sont vantés sur les réseaux sociaux de leur action, avant même qu'elle n'ait lieu, pendant et même donc après l'action. L'appel truqué à la police samedi après-midi a mobilisé près d'une centaine de policiers. Ces deux adolescents, s'il s'agit bien des auteurs du canular, risquent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Jacques Chirac restera dans les prochains jours à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien président de la République a dû être rapatrié du Maroc où il séjournait avec sa femme Bernadette à cause d'une infection pulmonaire. Il aura 84 ans au mois de novembre. Un mauvais signal pour le parti de la chancelière allemande Angela Merkel à 1 an des élections fédérales. Baisse historique des scores de l'Union chrétienne démocrate aux élections régionales à Berlin hier. Près de 18% des voix. Le maire de la capitale allemande Michael Müller conserve son poste après les 22% de suffrages accordé au au Parti social-démocrate. En revanche, une poussée de l'extrême droite, l'AFD, fait son entrée au Parlement régional de Berlin. Sans surprise, le parti de Vladimir Poutine a remporté les élections législatives en Russie. Après 40% de dépouillement des voix, majorité absolue avec 53% pour le parti Russie Unie, l'opposition parle de fraude. À New York, la sécurité renforcée après l'explosion d'une bombe à Manhattan dans le quartier de Chelsea samedi soir. 29 personnes avaient été blessées, toutes sorties de l'hôpital hier midi. 1000 membres de forces de l'ordre sont mobilisés, d'autant que ce lundi, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York. En revanche, pas de revendication. En revanche, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque au couteau ce week-end dans un centre commercial du Minnesota aux États-Unis via l'agence Amax, son agence de propagande. Un étudiant américain d'origine somalienne avait blessé 9 personnes avant d'être abattu par un policier. C'est un Français qui vient de remporter pour la première fois le championnat d'IndyCar. C'est donc le championnat de voitures monoplace le plus populaire aux États-Unis. Simon Pagenaud, 32 ans, déjà leader au classement général, s'est imposé sur la dernière course de la saison, le Grand Prix de Sonoma. Et puis là, ça y est, c'est vraiment fini à Rio. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques s'est terminée il y a peu, devant plus de 70 000 spectateurs. La France termine 12e avec 28 médailles, dont 9 en or. Il est déjà 6h12 sur la première. Vent soutenu et fraîcheur encore en ce début de semaine, Michael. Seulement 3 degrés au volcan et à la plaine des Cafres ce matin, 19 à Saint-Pierre. Mais avec cela, du vent, des rafales qui vont aller jusqu'à 60 km/h cet après-midi sur cette région. Et de l'autre côté, entre Saint-Denis et Saint-Benoît, autant vous dire qu'aujourd'hui, on aura encore du soleil, mais ça sera avec la petite veste ou le pull sur la hauteur, voire la doudoune si vous montez encore plus haut. Et les températures vont grimper un peu cet après-midi, hein, jusqu'à 27 degrés sur le littoral, à Saint-Gilles notamment, mais pas beaucoup plus. Dans l'intérieur, il fera à peine 14 degrés au volcan. Par exemple, le soleil va s'imposer une bonne partie de la journée, sauf sur le quart nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul, où on aura un peu plus de nuages sur les hauteurs. Et dans l'intérieur de l'île ailleurs, l'impression de beau temps dominera. On a au moins ça. C'est bien. Direction Beaulieu, où nous attend Yves Gruyer. Bonjour Yves. Salut Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin, marqué par ce 19 septembre comme jour de fête de la Salette. Donc vous le savez, vous l'avez entendu sans doute dans les journaux, donc la préparation donc avec déjà pas mal de gens qui sont en train de converger vers Saint-Leu. Donc si vous ne venez pas spécifiquement sur Saint-Leu, en tout cas... Il vaut mieux éviter le secteur, ça sera compliqué pour traverser l'agglomération, d'autant que la circulation est déviée hein, d'ores et déjà depuis le rond-point nord par la rue Compagnie des Indes, c'est-à-dire le front de mer en passant par le port de Saint-Lô, si vous circulez du nord vers le sud. Et puis dans l'autre sens, vous n'avez que l'accès par la rue Général Lambert, mais avec beaucoup de difficultés pour atteindre le secteur de l'église et la partie basse de cette fête de la Salette. Donc attention à cette traversée, elle risque d'être longue pour vous. Voilà, en ce qui concerne ailleurs, le trafic ben, ralenti à hauteur de la tranchée couverte, un petit peu avant la tranchée couverte de Plateau Caillou, bon, vendredi descendre sur Saint-Paul. Il y avait deux grandes palmes de palmiers tombées, j'avais fait signaler ça tout à l'heure à 6h15 en quittant Saint-Denis, à la DRR. Normalement, une équipe est partie enlever donc ces grosses palmes tombées sur la chaussée, sur la partie gauche, au niveau de la Trinité. Donc, on pense que ça va être dégagé. Un ciel nuageux sur les hauteurs, hein, donc c'est couvert sur les hauteurs, et en regardant également vers le Grand Brûlé, donc attention, peut-être de l'humidité sur cette partie, sinon la route est sèche et il y avait un peu de ralentissement quand même à hauteur de la grande rivière Saint-Jean après Petit Bazar en direction du nord. Merci, va tout à l'heure. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. 6h14, pensée émue pour ceux qui s'étaient préparés toute la semaine, qui ont vu les gens faire des photos, dire que c'était magique. Bref, qui voulait aller voir le volcan hier et dire « moi aussi, j'y étais ». Mais j'étais pareil que vous hier, hein, comme un petit marmaille qui croit au beau feu d'artifice et qui au final se retrouve avec un pétard mouillé. Oh, ah ouais. Bon lundi, bon courage. Mais j'ai pas vu le volcan. J'ai pas vu le volcan en éruption. Tu as pas gagné courage monté ben non. Mais le volcan, l'éruption s'est terminée. Ben oui. Mais fallait monter avant. Ben oui, mais je pouvais pas. Donc comme tout le monde, comme ce dimanche, bon lundi, bon courage. Mais ça n'est pas un problème, puisque ce matin, on vous offre quand même 20 € à mettre dans la poche, là, maintenant. Eh oui, pour aller dépenser, pour acheter des fruits, des légumes. Ça se passe au 99-2000. Et c'est dans un instant, c'est promis, c'est pour. Juste après Kenji Girac et Soprano. Non me mires más sur première. Non me mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça.

Et on balaye. Et c'est ça. Et on va offrir à quelqu'un, eh bien, un bon d'achat de 20 euros, valable dans les magasins de fruits et de légumes. Espace fraîcheur, vous qui avez, n'en veut. Vous avez été nombreux, appelez au 0262 99 2000. Allez. Je fais un balayage. À droite, appuyez à droite. À droite, au nord-est, là. Ouais. Ah, alors attendez. Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie. Sainte-Marie. Hop, Sainte-Marie. Salut Sainte-Marie, salut Estelle. Bonjour Estelle. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Estelle qui est dans le service à la personne, ça veut dire que matin on a un problème, Isa. Eh bien, Estelle, viens notre rescousse. Voilà, viens nous sauver. Voilà. C'est bien ça. C'est bien un boulot comme ça, mais heureusement qu'il y a des Superman, des Superwoman comme vous. Alors, Estelle. Ouais. C'est très fatigant, par contre. Ah, bah, ça, ma fille, me veut bien croire à où, hein. Oui, parce que vous donnez tout pour les autres, en fait, mais rien pour vous. Voilà. Enfin, il reste un petit chouïa pour elle. On essaie de mettre propre partout, mais des fois, bon, il y a toujours des petits hicks. Ah, bah oui. Ah, Estelle. Et ça, vous aimez pas les petits hicks, Estelle? Ah, bah non plus. Ça Estelle, s'entend. Estelle, c'est nickel, tout le temps, propre, militaire. Toujours. Voilà. Garde à vous, Estelle. Bon, Estelle. Oui. Bah si on vous donnait 20 euros là maintenant, bah oui, comme ça. Ça vous dit. Eh, ça peut être bien. Et ben voilà, c'est pour vous. Voilà, vous merci. Irez dépenser tout ça dans les magasins Espace Fraîcheur. D'accord, c'est notre je suis bon très légumes surtout. Ah, bah c'est génial ça. Vous aimez quoi particulièrement? De tout. De tout. Ah, bah au moins, on n'est pas difficile, ma fille, tout. C'est déjà pas en mal. En plus, bon, j'achète mes bananes toutes les semaines, je ne veux pas m'en passer. Ah, ça, c'est pas les c'est légumes, c'est les fruits plutôt. Bananes et légumes. Voilà. C'est ça pour Estelle. Mais surtout les bananes, tu vois. Oui, beaucoup de bananes. On vous fait un gros bisou, Estelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt, Estelle, bye bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et nous quitte Sainte-Marie, nous descendent Saint-Pierre. Priska, où est là? Elle est toujours là. Oui, ah, oui, oui, on est là avec Madame Courage. Hein. C'est Josette qu'on vous présente. Il y a une deuxième bonjour, Madame Courage. Bonjour. Bonjour. Bonjour Josette. Très bien. Ah ben nous aussi ma fille. Oui. À pleine forme pour le lundi matin, hein, bon, toujours. C'est quoi le planning là pour le lundi? Oh ben, comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de planning, on travaille, on bouge. Voilà. Là, vous devez mettre tous les fruits en place et les légumes. Voilà, faire entrer la salade en premier. Hein. Nous sommes où exactement ici? À Saint-Pierre, ruelle La Poudrière. Donc la mer est juste en face, en face, hein. Tranquille. Oh oui. Et j'ai fait un petit tour dans ce bazar de proximité, les amis, et j'ai découvert la nectarine plat. Ah. J'avais jamais vu. Hein. La nectarine après plat. la pêche plat, c'est la nectarine plat. Ça ressemble à quoi? C'est très bon. C'est très bon, hein, pour le dessert, par exemple. Mm-hmm. Au lieu des gâteaux, on mange la nectarine. Alors c'est une nectarine au lieu que ça soit rond. Là c'est plat, en fait. C'est plat. Mais oui. Le goût, ça change. Presque pareil. Mm-hmm. Ouais, pareil. Sauf la grosseur. Oui. Ça, c'est des fruits qui sont importés. Parce que ça pousse pas à la Réunion. Non, il n'y a pas encore la Réunion. Je crois pas. Hein. J'ai jamais rejoint. Le fruit qui est arrivé là ce lundi, c'est la bibasse hein, qu'on commence à voir un peu partout. Oui, bibasse, c'est très bon pour faire pour préparer le petit punch pour la fin d'année. Ah oui, bon, allez, à consommer avec modération. S'il bah vous plaît. Oui, puis, pas tout de suite quand même, 6h23. Hein, à l'année. Et Josette, quand même. Elle m'a soufflé une idée de recette dans les oreilles ce matin. Ouais. Ça donne envie. Quoi? Mangue verte avec la morue. Comment ils font ça? Mangue verte avec la morue et avec un petit carré pois. Et ben ça passe très bien. Et ben, comment ça nous donne envie. La mangue verte. Et ben on fait battu les mangues. Et puis après vous faites bien dessaler la morue bien sûr. Et puis après vous passez la morue à la marmite. On fait frire la morue. Oui un petit peu, hein, pas trop parce que c'est trop raide après. C'est pas trop bon. Et puis après vous mettez les oignons. Et un bon petit goût de piment. Une bonne après, recette. Vous mettez, voilà, vous mettez le feu. Et vous mettez les mangues battues, bien percées, bien sûr. Et puis, ça passe très bien à l'estomac. On a envie vraiment de faire ça. Hein, attention au détail, hein, pour pas qu'elle soit raide. Hein, la morue, il ne faut pas les raides. Non, il ne faut pas, Josette. C'est important. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite aussi à goûter le velouté de butternut avec un petit morceau de tartive à côté, c'est excellent. Parfait, oui. Priska va prendre 15 kilos d'ici la fin de la saison. Non, mais attendez, vous savez pas ce qu'on dit, Mickaël? Oui, Priska. Quand on mange des fruits et des légumes, on ne grossit pas. C'est vrai, c'est vrai. Josette. D'ailleurs, Josette est longiligne. Bougez un peu. Comment ça marche pas? Voilà. Josette garde la ligne. Non, mais vous savez ce qu'on va faire, Isabelle? On va vous emmener avec nous dans des marchés. D'accord. Hein, vous êtes d'accord, Josette? On va laisser Mickaël tout seul là-bas. Oh non, non, bah non, bah non, non, bah non. Non, j'ai pas dit ça. Non, bah non, Josette. Puis, non.

Ouais, sur cette partie basse de la route des Plaines, la route est mouillée, principalement jusqu'à Saint-Benoît. Attention, donc avec une circulation correcte, donc pour rejoindre Saint-Benoît, la traversée de la voie de contournement du centre-ville, la circulation qui se fait toujours avec des zones de rainurage. Attention, hein, donc sur la partie 4 voies dans les sens Saint-Denis vers Saint-Benoît. En ce qui concerne le trafic, il ralentit pratiquement à hauteur de la Cocoterie avec une vitesse à peu près entre 30 et 40 km/h hein, pour arriver jusqu'à la ravine des Chèvres. Donc c'est chargé surtout cette partie est de la 4 voies en direction de Saint-Denis. Ensuite, l'entrée est elle-même roule encore sous le tunnel du Cap Bernard pour les ralentissements qui se situent à la fin de l'ordre du littoral. Ça roule encore sur le pont Vinsane et les bouchons sous le tunnel du Cap Laoussel. Donc attention, donc là aussi un peu plus de monde. Forcément, nous sommes lundi. Attention, il y avait un piéton qui marchait le long de la route des Tamarins à contresens. Il était sur le bord droit de la chaussée en descendant vers Saint-Leu. Il venait de passer tout à l'heure, il y a à peu près une dizaine de minutes, le pont de la ravine Trois Bassins. Les gendarmes ont été appelés. Les pèlerins et les piétons seront très nombreux sur la RNAA, route des plages, attention, pour converger vers la Salette. Donc aujourd'hui, c'est de tradition. Prudence avec eux. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Il est 6h31 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Un gomme-cogne, des vieux fusils de chasse. Vous avez peut-être chez vous ces armes et vous ne souhaitez plus les garder. Jusqu'en décembre, la préfecture organise la manifestation « Déposer les armes ». Objectif, moins de violence dans les familles et les quartiers. Le conseil municipal de Saint-Denis demande de la transparence à Ségolène Royal. Transparence sur l'éviction de Marilène Moirot à la tête du parc national. De l'hypocrisie pour l'opposition, une fausse polémique pour le député Philippe Naillet. Nous l'entendrons. 33e journée européenne du patrimoine ce week-end. Priscilla Etève est entrée dans la mosquée du centre-ville de Saint-Denis. Nous la suivrons pour la visite. Et puis la santé et le sport, autre rendez-vous dionysien ce week-end. Sentez-vous sport, c'était au Jardin de l'État. Stéphane Enilorac était sur place pour tester sa forme. Avant de développer ses titres, ce vol insolite qui plonge un agriculteur des Hautes de la Saline dans le désarroi. Il ne reste plus grand-chose de la plantation de manguiers et de papayers de Christophe Laoyat. Le terrain sur lequel se trouvaient ces arbres a été saccagé. Plus de 210 arbres fruitiers ont été arrachés et emportés, Hubert Debeu. Christophe Laoyat, comme son papa, a décidé de se consacrer à la plantation d'arbres fruitiers. Il vient de reprendre en location il y a plus d'un an plusieurs terrains de canne voisins de Corail Hélicoptère. Il pensait récolter les premiers fruits de son travail en fin d'année et voilà qu'un de ces terrains se retrouve pratiquement à l'état de friche. C'est vraiment un saccage complet, quoi. C'est horrible, quoi. Il n'y a plus rien, il faut replanter, mais c'est tout un travail qu'il faut refaire, quoi. Sur les 120 manguiers et 90 papayers plantés, il ne reste pratiquement plus rien. La grande partie a été arrachée et volée. D'autres abîmés ont été laissés sur place. Plusieurs mois de travail anéantis. Pour moi, c'est plus d'un an entre la préparation, la trouaison, mettre les manguiers. Christophe Laoyat passe 10 heures par jour dans ses champs. Il est atteint moralement. Les manguiers avaient plus de 6 mois déjà plantés. Ils étaient déjà bien enracinés. Les papayes étaient en fleurs, étaient prêts à donner. Voilà, c'est désolant, quoi. L'assurance me dit qu'ils ne remboursent pas. Du coup, c'est perte complète, quoi. Les vols de fruits et d'arbres fruitiers, son père connaît aussi, et clôturer les terrains coûterait une petite fortune. Hubert Debeu. Éliminer les armes des foyers, faire baisser la violence, c'est le but de l'opération Déposer les armes organisée par la préfecture. Munitions et armes peuvent être rendues au commissariat ou dans les gendarmeries, même les armes détenues illégalement. Aucune poursuite ne sera engagée. Vous avez 3 mois pour le faire jusqu'au 15 décembre prochain précisément. Des violences avec armes, on en annonce souvent dans nos journaux, mais il est difficile d'estimer le nombre de ces armes en circulation à La Réunion. Stéphane Enilorac est allé dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, quartier dit sensible, alors y voit-on circuler des armes. Mais on entend parler, mais à première vue, moi, n'a rien que bon pistolet à eau, bon jeu en plastique dans le chaudron, là. On a plus la bouche qui est cassée. Ça donne dans les autres cases, cachette. Dis ça pas en marge à 15 ans, sur le tout, il connaît qu'on a contrôle souvent des fois, on comprend. Mais ça, on a longtemps, là, la fin de bon monde, il faut déclarer, c'est dans ça. Pour la fin de vue? Oui. AK-47, flashball, 9 mm. Quelle est la fin de vue, là, ici? Ah, ben, des munitions aussi. Ma fin de vue devant moi après, va. Mais ça pas dire où plus sec, m'y connaît, va. Il y en a même, tu connais, ça y sort tout, ça y sort sur le port, même ça, possession, le port, il y a des galets. Il faut bien rouder dans toute l'île, c'est plutôt bonne vie, non ça. Bonne zone aussi, il y en a, mais bonne zone, puis tu n'as pas besoin bonnet par rapport aux autres masses avec. Mais à quoi il sert le bonnet là? Ah, ok, pas mal. Ben, de nos joueurs, plus besoin de la même bataille. Les gars, ils prennent les armes direct, fichent les gars direct. Ah oui, puis il y a tout le temps. Ici, par exemple, pour beaucoup de monde, ah, les armes peuvent commettre des erreurs. Vaut mieux qu'on le supprime carrément. C'est mieux pour l'humanité. Des propos recueillis par Stéphane et Nilorac. 6h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Et retour ce matin sur l'éviction de Marylène Ouarraud à la tête du parc national. Elle a été remerciée la semaine dernière par la ministre de l'écologie et de l'environnement, Ségolène Royal, en personne, à l'origine de la création du parc dans les années 2000. Et aux commandes depuis 2011, Marylène Ouarraud aurait dû quitter ses fonctions en mars 2017. Plusieurs élus locaux, de droite comme de gauche, se sont indignés de cette décision inattendue. À Saint-Denis, samedi dernier, le conseil municipal a même voté à l'unanimité, une motion contre Ségolène Royal pour demander une plus grande transparence sur ce dossier. Une démarche hypocrite pour Jean-Jacques Morel, conseiller municipal de l'opposition, membre du parti Les Républicains. Dans ce conseil municipal, vous avez une brochette de VIP socialistes. Madame Barège, qui est ministre, deux députés, Monsieur Naillet, Madame Morfait, Monsieur Annette lui-même, il est très proche de Madame Royal. Ils ne pouvaient pas ne pas être informés. Et à mon avis, ils ont cautionné cette révocation. Et aujourd'hui, ils viennent avoir une émotion de façade, mais qui n'abuse personne. Jean-Jacques Morel. Et pour le député socialiste Philippe Naillet, en revanche, cette motion était une évidence. Il ne souhaite pas polémiquer. C'est une question qui est sérieuse, hein, c'est une décision qui est grave. Hein, le parc national des Hauts, c'est la préservation de notre environnement, de notre biodiversité. C'est aussi le classement de la Réunion au parc national, au parc mondial de l'UNESCO. Donc je ne me mettrai pas au niveau de Jean-Jacques Morel, je ne commenterai pas son propos. Philippe Naillet et Jean-Jacques Morel interrogés par Priscilla et Thève. Les journées européennes du patrimoine sont toujours l'occasion d'entrer dans des lieux habituellement fermés au public ou d'apprendre de nouvelles choses sur des lieux historiques. Les portes se sont ouvertes donc ce week-end dans les musées et les monuments historiques de Lille. Les visites étaient gratuites. À Saint-Denis, on pouvait visiter la grande mosquée du centre-ville. C'est le premier lieu de culte musulman de France. Visite guidée avec Priscilla et Thève. Regroupés autour du moufti Rehan Balbolia, les visiteurs font le tour de la grande mosquée de Saint-Denis et découvrent peu à peu ce qu'il se passe dans ce lieu sacré des musulmans. Je suis très contente, je trouve que c'est un lieu qui est très lumineux, avec un accueil chaleureux et ça faisait des années que je souhaitais en visiter une, surtout que c'est un lieu qui est assez fermé, d'ordinaire. Voir cet établissement, à quoi il ressemble. Comprendre la mosquée, rentrer un peu dans la religion aussi. Il faut s'asseoir dans la salle de prière pour en savoir un peu plus sur les principes de l'islam, là où Rehan Balbolia lit quelques passages du Coran et traduit. Il dit qu'on m'a donné ce livre et on m'a fait prophète. Donc ici vous voyez, lire le Coran nous permet de savoir qu'est-ce qu'on parle exactement dans l'islam. Rania, une convertie à l'islam depuis 18 ans, connaît déjà tout ça, mais comme elle n'a jamais mis les pieds dans ce lieu de culte dionysien, elle en profite et fait également profiter sa sœur Françoise. Je suis venue les accompagner pour leur montrer et leur expliquer comment était ma religion et aussi pour moi, parce qu'on finit jamais d'apprendre en fin de compte. Mais Françoise est toujours aussi perplexe après la visite. Je suis dans le doute. J'ai encore plein de questions que je me pose dans ma tête. Pas la peine d'attendre les prochaines journées du patrimoine pour trouver des réponses. La grande mosquée de Saint-Denis est ouverte au public tous les jours. Un reportage de Priscilla et Thève. Autre rendez-vous après la culture tout court, la culture physique. Le département organisait hier Sentez-vous Sport. C'était au Jardin de l'État. Le sport et la santé, les stands installés sur place vous proposaient autant de tester des disciplines que de vous informer sur les pathologies courantes à La Réunion, comme le diabète par exemple. On pouvait même tester sa forme. C'est sur ce stand que Stéphane Nilorac a rencontré plusieurs gramounes plus ou moins sportifs. Janine, une bénédictine de 65 ans, fait régulièrement du sport. Je fais une heure de marche par jour et de la gymnastique deux à trois fois par semaine. Avec mon âge, c'est suffisant. Vous avez testé quand même pour voir. Oui, je teste pour voir si c'est efficace ou pas. Là, on va commencer directement sur l'articulation de ses bras. Son amie Gilberte, 59 ans, commence par un test de souplesse mené par Rosane Dallot, animatrice en gymnastique volontaire. Le bras droit, par exemple, en haut. L'opération est à renouveler au moins une fois par an pour un meilleur suivi. Comme ça, on voit en fin d'année là où on est. Est-ce qu'on a progressé ou pas? Généralement, si on fait assidûment deux séances par semaine ou trois séances par semaine, on voit éventuellement le résultat. Ça dépasse largement. Là, on voit vraiment qu'on est souple au niveau des articulations. C'est enregistré et là, hop, on voit. Madame, un tel a tant. temps. L'année dernière, elle avait ça, cette année, un peu plus souple. Vous faites beaucoup de sport, vous aussi, madame? Oui, je fais le sport le mardi et la Zumba le vendredi. Et vous sentez que ça vous fait du bien, vraiment? Ah oui, oui, oui. Je me sens en forme. Hein. On dort mieux, tout ça. Hein. 25 kilos, à peu près. Bernard, un Dionysien de 53 ans, vient de mesurer la force de ses bras avec Maëva, une bénévole. On a pris 15 personnes, les bras tendus. Et il appuie dessus pour avoir le nombre de kilos. Et 25 kilos, c'est bien ou pas? Ça va. On pourra travailler, monsieur, un petit peu, non? Bah oui, il faut travailler. Monsieur, reste à même, vous faites test d'équilibre. Vous mettez aussi un pied, vous tirez jusqu'à 60 secondes. Et vous, combien de temps pouvez-vous tenir? Tu arrêtes à voler, pas grave. Merci Stéphane Nilourac. On a le droit d'arrêter avant si on tient pas, c'est pas grave. C'est long 60 secondes. Ah, mais Stéphane il peut lui. Oui, c'est il ça. A la forme. C'est pour ça qu'on l'envoie d'ailleurs. Oui. Alors, sentez-vous sport mes amis? Oui, enfin demain je crois. Demain c'est bien. Merci Cécile. Merci, à tout Cécile. À l'heure dans 10 minutes pour les lignes de la presse. 6h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Eh Mickaël, il y a quelques nuages qui traînent dans l'est. On le voit par la fenêtre du studio. Alors sur les hauts notamment, le flanc est du volcan, c'est ce que nous disait Yves tout à l'heure. En observation sur le terrain, les nuages vont devoir à un moment se désagréger hein, sur une partie de cet est de la Réunion et laisser place au soleil. Le soleil, lui, prendra une grande partie du paysage sur l'ouest et le sud, ainsi que sur Saint-Denis d'ailleurs, le chef-lieu. Ça c'est pour une bonne partie de la matinée. Puis ensuite dans l'après-midi, ça sent nuage entre Saint-Denis et Saint-Paul. Un peu de grisaille, de la grisaille qui va déborder sur le littoral, mais sans donner de pluie. A priori, Météo France nous dit qu'on restera au sec aujourd'hui. Ailleurs, l'impression de beau temps dominera. Les températures fraîches ce matin, 3 degrés à la Plaine des Cafes, 6 à Sillaos, remonteront cet après-midi. On ira jusqu'à 26-27 degrés sur Saint-Gilles et 14 degrés au volcan. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Direction la Plaine des Palmistes. C'est à vous, Yves. Il y a du ciel bleu ici à la plaine des Palmistes et donc après la période, enfin, le tronçon où la route était mouillée tout à l'heure vers chemin de ceinture, c'est moins le cas un peu plus haut, donc la chaussée est sèche donc en remontant vers la plaine et puis bon, on retrouve un peu de ciel bleu, pas encore trop le soleil et puis il fait encore plutôt frais là, hein, donc forcément 10 degrés. La circulation donc correcte sans problème ici, pas trop de changements dans l'est avec des ralentissements toujours à hauteur de Saint-André et maintenant ça s'étale quasiment jusqu'à l'échangeur du Verger, donc ça va au-delà de la ravine des Chèvres et puis des ralentissements ensuite qui s'amenuisent puisque ça roule encore à peu près donc depuis le plateau de la Mare pour rentrer sur Saint-Denis avec un petit peu de ralentissement en fin de Lancastel à hauteur du pont Pasteur. Pour le moment on commence à avoir un petit peu de monde sur le pont Vinsane mais c'est pas encore plein. C'est au niveau du virage du gouffre par contre que démarrent les ralentissements sur la route du littoral, donc là il y a un peu plus de monde à cette entrée ouest de Saint-Denis. Côté ouest, la circulation est toujours ralentie, sortie de tunnel maintenant du Cap Laousset. Attention sur la route des plages, des grosses contraintes donc à prévoir toute la journée avec la fête de la Salette, je rappelle. Circulation déviée obligatoirement dans le sens nord-sud par la rue de la Compagnie des Indes, c'est-à-dire le front de mer, dans l'autre sens par la rue Général Lambert, et là c'est déjà très difficile pour traverser l'agglomération. Merci, va tout à l'heure. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Alors vous avez raté l'éruption hier. Vous aviez attendu toute la semaine pour la voir. Ah mais comme moi, vous avez raté. Bon, enfin bref. Eh bien, c'est je t'étais motivé. Mais oui, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Vous ratez l'éruption, vous oui. ratez la mer, oh. vous ratez la terre, vous irez sur la mer. Oh. Pourquoi bah oui. pas bah avec voilà. croisière et découverte. Eh ben oui, et comment on fait pour repartir avec cette croisière? Eh bien, comme toutes les semaines dernières, oui, on fait comment simple. On envoie sa petite photo de petit déjeuner au boulot, en voiture, où vous voulez, ou à la maison, ou à la maison voilà. avec les personnes que vous voulez, tout seul, seul le petit déjeuner, comme vous voulez. Voilà. Sur la page Facebook. C'est pas grand plus matin. Compliqué que ça. Un petit déjeuner, une photo postée sur notre page Facebook et ensuite tirage au sort des invités pour le ciné et le grand tirage au sort de vendredi pour cette croisière. En catamaran, pour deux personnes. Oui, au thé. Une après-midi ou une matinée, comme vous voulez, c'est au choix. Et pendant ce temps-là, vous likez aussi la page fan pour augmenter la communauté de Grand Matin. Bah ouais, c'est oui, important. C'est ça. La communauté de Grand Matin, où est apparu le Lecce, notamment le 15 août dernier, c'est avec ça. Son Zambrocal quotidien. Ouais. Il revient pour une nouvelle semaine. Ah là là, on va parler du m'as-tu vu ? Tu m'as vu, tu m'as pas vu ? C'est important que tu le me loto. Vois. Le loto. Bah oui, alors. Eh oui. On parle du loto et du m'as-tu vu. C'est parti. Madame, on peut mettre les bijoux les plus chers. Monsieur, on peut porter une chemise à 150 €. Et ça, tu peux avoir un bébête la case. La Réunion, quand on veut montrer qu'on est à l'argent, tout ça, ils servent pas rien si on n'a pas un gros loto. Hein, Linda, on l'a vu. Ce matin, Mathilde arrive avec un nouveau gros loto. Ça les vante à même, ça. Source de toutes les jalousies, la voiture, c'est le signe extérieur de richesse par excellence à La Réunion. Et ben, de Réunionnais, elle est capable de mettre un gros crédit sur notre tête et mange de riz premier prix pendant des mois pour acheter un gros loto. Franchement, s'il avait un bon dieu pour la voiture, Gilbert Aubry n'aurait plus de fidèles pour sortir dans le fait noir tellement créole les prix dans le moteur. L'amour pour l'auto, il touche tout le monde. Femme, bonhomme, jeune, vieux. Alors mon petit Sergio, que veux-tu faire quand tu seras plus grand ? Je veux avoir un loto sport GTI avec Jean Talus, Becquet et Farg Zénon. Le marmaille, il connaît pas conjugue le verbe partir au passé composé, mais Ligue 1 sélectionne un Jean Talus pour un loto. L'est ancré dans notre génétique, midi azote. Et quand nous grandit, il arrange pas, nous devient encore plus couillons avec notre loto. Toutes les semaines, mon ben camarade, il nettoie même notre loto et passe même l'aspirateur dedans. Les filles montent à moi le ben zachat que vous avez fait pour notre loto. La fine arrive comme d'autres enfants, ça touche pas, critique pas. Gars, garde ça, c'est un nouveau jante que m'a acheté pour mon loto. L'a vu comment il blesse? Le gars, la paye son loto 30 000 €, mais il vive encore la case son moment. Paye tes priorités. Hashtag Tanguy. Du coup, avec ben gros loto comme vous penserez que Zotti pourrait emmener à ou partout. Gars, nous peut-on te faire un tour au volcan ce week-end? Hein, mon tête n'est pas bonté, on va mis mon loto. Gars, si on en a un 4x4, c'est pas pour faire défiler de mode dans la rue de Saint-Denis, c'est pour rouler dehors dans la forêt. Mon tête l'a bloqué, quoi. Comment on veut m'y draguer tantine si mon loto est sale? Hashtag Tantine Larou. Si on veut monter volcan, on a qu'à aller sans moute loto. Ah oui, parlons de ma voiture. C'est un loto sans option avec un croûte de poussière dessus. Gars, on respecte pas votre loto, ils font ta réunion, une affaire pareille. Quand les critiques deviennent trop insistantes, je concède à nettoyer ma voiture. Pas parce que je la trouve sale, non, mais parce que j'ai peur qu'on me traite de mauvais réunionnais. Et dans ce monde où l'identité est un sujet sensible, mieux vaut pas passer pour un mauvais créole. Je risquerais d'être fiché Z. Fiché Z. Fiché oreille, quoi. Pas mal. Oh là là. Tu vas me faire des amis. Les chers trouvés sur YouTube, Facebook et Twitter et à 16h50 dans le bon tempo avec David sur Première à suivre Britty Boy, Bébé Brune et puis juste après sera les unes de la presse avec Cécile Thomas. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Du 16 au 25 septembre prochain, si la hausse devient cirque d'inspiration et de création, exposition, conte, stage artistique, réalisation d'une BD géante, atelier, comédie musicale et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du Cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. Première. Bon début de journée La Réunion, bienvenue à tous. Vous êtes dans Grand Matin jusqu'à 8h. Oui. Et pour les petits messages, 70, 2000, sinon on attend vos petits déj sur la page Facebook de Grand Bébé Matin. Brune. Il pleure pour moi. C'est que je ne suis pas fière, c'est vrai que je suis redoutable. Mais c'est une pitié, pitié, car une pitié, je prends de sang. Qui m'a lancé cheveux des fleurs, qui se balade à vélo. Le soir quand elle s'ennuie, le soir elle s'enfuit de Sceaux. Viens me voir à Paris, m'embrasse sur la bouche de métro. Mais quelle jolie scène à Paris, à Paris. Ils ont incarné depuis leur début en 2006 la nouvelle scène rock française, les Bébés Brunes, avec Pretty Boy. Sur Première, il est 6h50. C'est le moment de s'attacher aux unes de la presse. On va commencer par un homme et ses vaches dans un pré en une du quotidien ce matin. Oui, le malheur est dans le pré, écrit le journal. Vaches malades, éleveurs en détresse, c'est le dossier du quotidien ce lundi. Autre titre, plan de sauvegarde, François Caillé lance un appel aux banques. Fin de l'éruption au volcan, l'album photo d'une semaine au volcan. Dans l'actualité également, Jacques Chirac hospitalisé pour une infection pulmonaire. Foot, Coupe de France, Excelsior et JSSP passent sans encombre. Enfin, en tennis, en Coupe Davis, la France de Noah sort par la petite porte. Oui. La violence dans les hôpitaux, en une du journal de Lille. La violence au quotidien, écrit le GIR. Vigile, caméra, vidéo, prévention, tous les moyens sont mobilisés pour tenter de ramener le calme aux urgences, commente le journal. Autre titre, Jacques Chirac, malade, l'ancien président est hospitalisé. À Saint-Leu, la ferveur monte à la Salette. Et puis en football, Coupe de France, la Saint-Pierroise et l'Excelsior assurent. Dans la presse nationale, l'État contre les collectivités, en une d'aujourd'hui en France. À lire aujourd'hui, effectivement, comment l'État vide les caisses des villes, écrit le journal, pour réduire les déficits publics. L'État n'approvisionne plus les villes en dotation, des villes qui doivent se serrer la ceinture. Autre titre, Jacques Chirac, hospitalisé d'urgence. Les candidats à la primaire de la droite et du centre, en une du Figaro. Pas tous, mais quatre d'entre eux. François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Les principaux candidats à la primaire des Républicains affichent chacun un programme d'économie, notamment par la réforme de l'État. Elles sont évaluées entre 85 et 100 milliards d'euros. Autre titre, attentat aux États-Unis, revendication de Daesh dans le Minnesota et interrogation à New York. Hillary Clinton en une de Libération. La lutte finale, titre Libé, salaire minimum, gratuité de l'université à 50 jours d'une élection de plus en plus serrée. Libération décortique le programme d'Hillary Clinton, bien plus à gauche qu'attendu. Merci Bernie Sanders. Autre titre, Hanouna et les pains quotidiens. En référence à la télé, l'émission de l'animateur de C8 est en frontale avec la nouvelle émission de Yann Barthès quotidien et l'affrontement est rude pour Hanouna. Oui, les audiences sont plus très bonnes pour Hanouna. Quel chantier ? Ce n'est pas la nouvelle route du littoral, c'est le titre de L'Équipe ce matin. Quand le foot va, tout va, dit-on certainement à L'Équipe et là, bon, c'est pas terrible. En Ligue 1, Marseille et Lyon ont fait match nul, 0 partout. Un sommet tristounet, écrit L'Équipe lundi matin, chagrin pour le quotidien sportif qui ne se remonte pas le moral avec le tennis. Puisqu'en Coupe Davis, c'est encore raté pour les Français qui se sont inclinés face à la Croatie. Ouais, pas bon, hein, avec un Marin Cilic, par contre, qui était lui super en forme. Hein, le Et oui, il y avait des bons joueurs sur le terrain. Oui, c'est ça. C'était pas de notre côté. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Hein, l'année prochaine. Merci, Cécile. Grand matin, l'appel réveil. Retour à 7h de l'information avec Florent Marot qui sera là. Oui. Alors, par contre, les journalistes, ils sont de notre côté. Les bons journalistes. Heureusement. Ils sont chez nous. Bah alors. On accueille Amoun. Allons réveiller Amoun. Oh, une Moon. Une Moon. Allez, l'appel réveil, on appel. Y va. On se dirige vers un endroit de l'île, comme ça allez. On appelle, on connecte, hop, on compose le numéro. Oui. Et on appelle qui d'ailleurs ? Ah bah la fée ou presque. La fée ou presque. Bah oui, Yael Trulès. Yael Trulès. Coucou Yael. Coucou Yael. Allô, comment ça va ? Ça va bien, Yael. Yael, on n'a pas la honte, je suis l'œuf de Moon, grand matin. Mais t'es une fée, donc tu peux te réveiller comme tu veux, Yael. Bah oui. Ouais, on va dire ça comme il ça. Fait ouais. Plouf, plouf, ça y est, les maquillés, les pomponnés, tout. Tous les soirs. Si c'était comme ça, ce serait cool. Ah, ça aurait été bien. Mais c'est comme ça. Et non. Et quand même, les marmailles. Même les fées, la figure écrasée ouais, le vrai, matin. C'est vrai. Bon. Et heureusement, il ne va pas. Ouais, la vieillie, mes amis. Faut pas dire ça, il faut pas dire, Yael. Les marmailles et toute la réunion te voient le soir à 18h50 dans Secret de souris. Oui. Et tu incarnes une fée qui essaye de deviner le secret du marmaille qui est en face d'elle. Voilà, c'est ça. Donc avec quelques indices, avec quelques petites questions et puis l'aide d'une petite souris. Mmh. Et puis l'aide des marmailles aussi qui parfois dévoilent leurs secrets directs dès qu'ils arrivent. Ouais. C'est ça. Et puis des fois c'est plus compliqué. Ouais, des fois c'est plus compliqué, des fois je trouve pas. Et puis l'idée c'est vraiment de jouer sur l'imaginaire des marmailles et de. Bien sûr. De passer un moment, une petite tranche de sourire ensemble, quoi. Mais un moment sympa ensemble. Vraiment, par moment tu ne les connais pas, les secrets, ou c'est tout le temps ? Non, je les connais pas, les secrets. Vraiment? Mmh. Ok. Et je les connais pas, mais des fois, par exemple, il y a un petit marmaille qui arrivait avec un costume de dinosaure et son secret, c'était qu'il voulait être dinosaure. Donc... Ouais, ça va. C'est pas trop compliqué, même c'est pour la facile. Fée. C'est facile. Voilà. Est-ce qu'il a se retrouvé? Bah oui. Ouais. Est-ce que parfois, est-ce que souvent, tu le vois dans le regard des enfants qu'ils sont émerveillés, ce côté hyper magique de se retrouver peut-être en face d'une fée avec le décor, la robe, tout est fait pour que l'enfant, vraiment, on prolonge complètement le rêve. Comment tu vis tout ça? Oui, c'est impressionnant, mais à tel point qu'il y a des marmailles qui veulent pas rentrer, qui ressortent. Ah bon? Parce que il y a tout un décor, il y a 5 caméras, il y a tout un univers, musique et tout. Donc c'est un petit peu impressionnant. Mais c'est ça qui est chouette en même temps, quoi. C'est-à-dire que même si on découvre le secret tout de suite, c'est pas ça finalement c'est un prétexte, quoi. L'objectif, c'est vraiment de passer un moment intéressant ensemble, et que ce soit pour le marmaille ou pour moi, en fait. Bah avec toute l'équipe qui entoure Secret de Souris, d'où vous est venue l'idée de faire donc confronter la fée avec les marmailles? Je me rappelle plus. C'était une demande de coup de baguette magique. Comment? Un coup de baguette magique. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, des idées des uns et des autres. Ouais. Moi, j'étais pas à l'origine du projet. Je suis arrivée après sur ce projet-là, donc je pourrais pas te dire exactement la genèse du affaire. Mais voilà, c'était une envie de Réunion Première de faire un programme avec les jeunes. Il y avait déjà Kid Créole qui avait été fait, bon, par rapport à la musique et tout. Deuxième saison. Et là, de faire autre chose, quoi, de faire un petit moment simple et de sourire et puis un petit moment convivial, quoi. Un vrai travail d'impro, hein, quand on a en face de soi un marmaille, on ne sait jamais comment ils vont réagir, ce qu'ils vont répondre, comment ça va se passer. Ça part vraiment. C'est vraiment de l'impro, moi, j'arrive là-bas fraîche et dispo. Pas comme ce matin. Pas comme ce matin. Pas comme ce matin, Yael. Apparemment, après ce que tu nous dis. Magique. C'est ça. Quels sont les petits secrets les plus drôles que tu as pu avoir, que la fée a pu avoir? Ceux qui ont été diffusés, en tout cas. Petites anecdotes. Il y en a tellement. Bon, Yael, tu vas revenir sur la scène musicale parce que t'as été nominé meilleur spectacle tourné 2015 au Voix de l'Océan Indien, meilleure production audiovisuelle avec le clip À Cause. Tu reviens quand? Bah, en fait, là, on est en train de préparer un spectacle avec l'équipe du Téléthon pour remercier toutes les associations, les entreprises qui ont participé, qui ont fait des animations et tout ça pour le Téléthon, des manifestations et tout. Okay. Donc, ce sera le 15 octobre au Théâtre Saint-Gilles. Et je serai pas tout seul. Il y aura plein d'anciens parrains, marraines du Téléthon qui viendront chanter. Il y aura des marmailles de Kid Créole, d'ailleurs, qu'on a invité aussi à venir chanter. Okay. Et par contre, pour la musique même, pour mon projet même, pour l'instant, je me ressource. Une petite pause. J'observe autour de moi, je prends ma guitare à la case. C'est bien ça. Il n'y a pas de projet concret. Il faut des moments comme ça, sinon il faut avoir des choses à dire pour monter sur scène. Pour l'instant, voilà, j'ai juste besoin de retraite. De prendre un peu l'humeur. Non, pas une retraite, c'est quand même la vie. Pas encore. Pas encore. Et puis de ressourcer, on va dire, quoi. Bon, Yael. De me renourrir, voilà. On t'attend de toute façon, et puis 18h50 en télévision tous les soirs. C'est ça. Ouais, avec grand plaisir. Et toi, c'est ce soir ton émission? Oui, Planète Investigation, 21h30. Voilà. Merci, Yael. Merci à vous. On se fait de la promo réciproque, c'est cool. C'est génial. Salut, merci, Yael. Bisous. Bye bye. Bonne journée. Bye. Allez, les pronostics de Pascal Maillot pour le tiercé écarté, écarté plus du jour. À Saint-Cloud, ce sera le prix des boucles de la Seine. 13h47, 18 partants, 2400 mètres à parcourir, 5 400 000 euros. Les pronostics du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 3, le 7, le 16, le 17, le 6, le 2, le 5, le 13 et le 4. 7, 3, 17, 6, 2, 5, 13 et 4. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir jouant, responsable. Les pronostics du fouineur à retrouver tous les jours sur la Première. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. C'est à vous, Yves, au col de Bellevue. Ah, je suis en train de sauter comme je peux là pour essayer de réchauffer un petit peu tous ses membres. Là, Pauvre Yves. Bien glacé.

trêve pour la Capricorne. Les Ravinois ont été conduits samedi 1-0 au stade Lambrakis par l'AS Sainte-Suzanne. À noter la bonne forme du milieu offensif Florian Turpin, l'auteur de la seule réalisation de la rencontre. Et on jouait également ce week-end certains 32e de finale de la Coupe de la Réunion. On retiendra la qualification de la Jeanne d'Arc 3-2 sur le terrain de Bras-Fusil et celle de Sainte-Marie 3-2 également après prolongation face à la Saint-Pauloise. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on revient ce matin à Charlotte Costabadi sur cette fausse alerte attentat à Paris. La brigade criminelle cherche toujours les personnes à l'origine de la fausse alerte attentat samedi dans le quartier des Halles à Paris. Deux adolescents de 16 et 17 ans affirment être les auteurs du coup de fil à la police annonçant une prise d'otage à l'église Saint-Leu. Le journal L'Obs a publié un entretien avec ces deux jeunes qui disent seulement vouloir faire le buzz. Les adolescents se sont vantés sur les réseaux sociaux de leur action avant et après qu'elle ait eu lieu. Une centaine de membres des forces de l'ordre ont notamment bouclé le quartier et ces fans du célèbre hacker Ulcan se disent intraçables. Il risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Loin des canulars de mauvais goût, les associations rendent chaque année hommage aux victimes du terrorisme. Et c'est ce matin, après les récents attentats, le président François Hollande, de nombreux membres du gouvernement et 1 millier de personnes sont réunis dès 9h à l'hôtel national des Invalides à Paris. François Hollande fera un discours à 10h20. L'attaque au couteau ce week-end dans un centre commercial du Minnesota aux États-Unis, revendiquée par le groupe État islamique. Un étudiant américain d'origine somalienne avait blessé 9 personnes avant de se faire abattre par un policier qui n'était pas en service. Pas de lien avec le terrorisme international à ce stade, selon le gouverneur de New York après l'explosion d'une bombe samedi soir dans le quartier UP de Chelsea à Manhattan. Une autre bombe a été retrouvée un peu plus loin mais n'avait pas explosé. Il n'y a eu aucune revendication. L'explosion avait fait 29 blessés, tous sortis de l'hôpital dimanche midi. Et puis le dispositif de sécurité a été d'autant plus renforcé que la ville tient la tenue de l'Assemblée Générale de l'ONU à partir de ce lundi soir, sachant qu'ils vont se prononcer notamment sur la crise mondiale des réfugiés. En Allemagne, le parti de la chancelière allemande Angela Merkel a un très mauvais signal à 1 an des élections fédérales, une baisse historique des scores de l'Union chrétienne démocrate aux élections régionales à Berlin hier, 18% des voix. Le maire de la capitale allemande Michael Müller conserve son poste avec les 22% de suffrages accordés au Parti social-démocrate. En revanche, une poussée de l'extrême droite, 14% pour l'AFD, qui fait son entrée au Parlement régional de Berlin. Et puis, sans surprise, le parti de Vladimir Poutine remporte les élections législatives en Russie. Après 60% de dépouillement des voix, environ 53% des voix. En football, suite de la 5e journée de Ligue 1 hier, Marseille concède un nul face au Stade Vélodrome. Au Stade Vélodrome face à Lyon, 0-0. Saint-Etienne bat Bastia 1-0. 1 partout pour Montpellier face à Nice. Et puis c'était surtout la clôture des Jeux Paralympiques de Rio au Stade Maracanã devant plus de 70 000 spectateurs cette nuit avec la France qui termine 12e. 28 médailles dont 9 médailles d'or. Et puis un mot aussi en IndyCar, ce sport très populaire de voitures monoplace aux États-Unis. Un Français pour la première fois l'a remporté, Simon Pagenaud. 7h12 sur la première. Mickaël, il fait gris dans l'Est, mais il fait frais partout. Oui, ça c'est sûr. Ce matin, on s'est réveillé avec 3 degrés au volcan, 6 dans le cirque de Silos, 18 à Saint-Gilles. Ça va monter un peu cet après-midi, la faveur du soleil qui va s'imposer, sauf dans l'Est, où on a vraiment du mal à le retrouver. On a des nuages qui arrivent par l'océan, mais normalement, là aussi, on devrait avoir un peu de beau temps dans le courant de cette journée. Les nuages vont s'imposer tout de même sur les hauteurs du nord-ouest, entre Saint-Denis et Saint-Paul. Et dans l'intérieur de l'île, les cirques et les plaines, ailleurs, l'impression de beau temps dominera dans une relative fraîcheur. Les températures iront jusqu'à 26 degrés sur le littoral, notamment dans l'ouest, et le vent va rafraîchir l'atmosphère, 60 km/h sur le nord et le sud, encore attendu aujourd'hui pour avoir un peu plus de chaleur, ou de douceur plutôt, pour attendre mercredi. Là, le thermomètre va remonter. Yves, vous êtes à la plaine des Cafres. Oui, on est passé à Bourmira rapidement parce qu'il faisait 7 degrés, là ça remonte un petit peu parce qu'il y a du soleil, il y a une belle vue sur Saint-Pierre. Et puisqu'on parle de Saint-Pierre, attention, à partir d'aujourd'hui, pour une durée de 6 semaines en centre-ville, une rue importante, celle du pôle d'échange, c'est-à-dire la gare routière au centre-ville de Saint-Pierre va rentrer en travaux. Route fermée à partir de ce matin et pendant jusqu'au 1er novembre quasiment, la circulation sera interdite avec des travaux qui se feront à la fois 2 jours et également 2 nuits, donc pour avancer au plus vite pour ces travaux dans le cadre du TCSP, mais également pour faire basculer l'eau pluviale vers le port. Voilà. Donc en ce qui concerne le trafic, il faudra faire attention avec des déviations, donc notamment par la rue Lorient et la rue des Bons Enfants. En ce qui concerne le trafic ici, bah, ça se passe pas trop mal sur cette partie haute. Il y a un trafic dense et plutôt modéré sur la partie en dessous de Mont-Caprice pour le moment, pour rejoindre surtout la bretelle de sortie des casernes. Vous êtes également assez nombreux en sortie de la ligne des Bambous hein, pour rejoindre cet échangeur ici sur la partie haute de Saint-Pierre. Voilà, assez peu de changements, toujours sous le tunnel du Cap Plaousset pour les bouchons dans l'ouest sur la route des Tamarins. Attention, ça commence à ralentir également vers Boucan sur le littoral ouest en bas. La circulation chargée depuis la ravine de la Fleur, hein, c'est-à-dire toute la route du littoral, depuis la Possession, depuis des difficultés pour arriver sur Saint-Denis, avec un pont Vincennes encombré, les tranchées également. Et la jonction a été faite également à l'entrée est de Saint-Denis. C'est bouché depuis Sainte-Suzanne jusqu'au chef-lieu, maintenant jusqu'au front de mer. Bon courage. Merci, Yves. Oui. Bah oui, c'est lundi comme on les aime pas. Hein. Bon, vous envoyez vos photos de petit déjeuner, n'oubliez pas, hein, sur la page Facebook Grand Matin, puisqu'avant 8h, on joue et on vous fait gagner vos places de cinéma. Donc continuez de les envoyer sur la page Facebook Grand Matin, GRN apostrophe matin. À suivre l'invité de Grand Matin, c'est Éric Marguerite qui se prépare avec Philippe Dornier, secrétaire général de Force Ouvrière Réunion. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Dimanche 25 septembre, c'est la rando vélo intercommunale du TCO. Rendez-vous dès 7h30, place de l'église de Trois-Bassins. Trois circuits vélo proposés, petit déjeuner, ravitaillement et assistance offerte dans la convivialité jusqu'au camping Hermitage Lagon. Des animations, des artistes, des possibilités de repas sur réservation. Des navettes bus prévues à réserver avant le mercredi 21 septembre. Plus d'infos, www.tco.re ou au 0800 605 605. TCO, cap sur le durable. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalubong au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalubong.re. Première. 7h17, c'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Éric Marguerite, secrétaire général de Force Ouvrière Réunion. Éric Marguerite, bonjour. Bonjour. Le parc national est dans la tourmente et ça vous intéresse d'autant plus que vous présidez la commission Aménagement Développement Durable au CESER, le Conseil économique, social et environnemental, une instance adossée à la région, une instance consultative. Qui a renvoyé Marie-Hélène Ouarau, à votre avis? Ah ben je n'en sais rien, justement. Je pense que dans cette affaire, il y a une nécessité d'avoir une grande transparence. J'ai appris comme vous par la presse que Mme Ouarau avait été, entre guillemets, débarquée de son poste, et par la ministre en personne. Effectivement, je ne peux que... D'ailleurs, au niveau de la méthode, je ne sais pas si c'est la bonne. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis assez surpris de la façon dont ça s'est fait. Je crois qu'effectivement, il y a un côté, il y a un aspect politique que visiblement, moi, je maîtrise pas en tout cas. Elle paye son interview à nos confrères du quotidien le mois dernier, dans laquelle elle dénonçait l'absentéisme des élus dans les instances de décision du parc et puis leur méconnaissance aussi de l'outil. Elle disait ça. Je pense que effectivement, si ce genre de déclaration n'est pas fait pour justement contribuer à son maintien en exercice, si je puis dire, effectivement, ça pose problème au niveau de la gouvernance du parc. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que d'un côté, la région pourrait lui faire des reproches. De l'autre, on annonce que c'est Ségolène Royal ou son cabinet qui aurait pris cette décision. Mais une ministre socialiste qui obéirait à un président de région de droite, ça vous semble crédible ? Écoutez, moi, je rentre pas de ce genre de considération, vous le comprenez bien. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a, une clarté, une transparence qui doivent être faites à ce niveau-là. Et après, il faudra effectivement pouvoir voir au remplacement de Mme Moirot. Qui n'est pas encore parti, d'ailleurs. Hein. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas une mobilisation plus importante à ce niveau-là. J'attends de voir et j'espère entendre certaines personnes qui ont été plus aptes et promptes à réagir dans d'autres circonstances, prendre peut-être la défense de Mme Moirot. À qui vous pensez en particulier ? Écoutez, moi, au CREFOM, par exemple. Par exemple, il y a et puis d'autres d'autres associations qui militent pour faire en sorte que les postes restent à des réunionnais, par exemple. Voilà, ce qui me concerne, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. J'attends et voir quelles sont les raisons qui ont présidé à l'éviction de Mme Moirot. La question pour vous, c'est pas de savoir de se battre pour que le prochain directeur du parc soit réunionnais, c'est de sauver la tête du soldat Marie-Hélène Moirot. Écoutez, moi, je suis pas là. Je pense pas que ce soit une question de sauver la tête. C'est de qui que ce soit. Madame Marie-Hélène Moirot, si mes souvenirs sont exacts, était en détachement. On a mis fin à son détachement. Il faudrait peut-être lui dire pourquoi. Le parc national, sur le fond, c'est un atout pour la Réunion ou un empêcheur d'aménager notre île pour développer le tourisme? Écoutez, moi, en tout cas, en ce qui concerne le Césaire, on a toujours dit que c'était une bonne chose. Et maintenant, il y a une autre vision. On veut transformer le parc national en parc régional dans une vision peut-être plus de développement économique. Cela étant, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une grande concertation avec tous ceux qui sont concernés. Le projet d'Écologe au volcan, vous en dites quoi ? Que c'est bien de vouloir héberger des touristes dans un cadre exceptionnel ou que c'est une menace pour l'environnement ? Chacun peut avoir sa position à ce niveau-là. Il s'agit pour nous, en tout cas ce qui me concerne, il ne s'agit pas de défigurer la Réunion. Mais il ne s'agit pas non plus de marcher à côté de ses chaussures. Quoi. La Réunion a besoin de ce développement économique ? Tout à fait, tout à fait. Le volcan est un atout pour la Réunion, donc il serait dommage de se priver de cet atout et il est nécessaire de pouvoir laisser libre cours, d'ailleurs l'accès au volcan. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'accéder, tout est quasiment interdit maintenant. Et ça pose un problème aussi. Principe de précaution ? Ah, il faut arrêter avec ça aussi. Il y a des moments qu'il faut arrêter de sortir le parapluie à tout bout de champ, même quand il ne pleut pas. Retour maintenant sur les manifestations anti-loi travail de jeudi dernier. Une mobilisation en demi-teinte à Saint-Denis comme à Saint-Pierre. On peut parler de baroud d'honneur ? Non, il ne faut pas dire baroud d'honneur. C'est peut-être effectivement une manifestation de trop. La loi a été adoptée, mais la loi, même si elle a été adoptée, elle peut ne pas être appliquée. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est la dernière manifestation sur ce sujet. Là, on change de braquet, on va aller vers autre chose, on va aller vers une contestation devant les tribunaux. FO ne manifestera plus contre la loi travail. Nous, on a terminé sur ce thème-là. Je crois qu'on a mis... c'est fini pour nous. Hein. La force ouvrière, c'est fini sur le thème de la loi travail, de manifester. On en a fait 14. C'est bon. Je crois qu'il faut maintenant aller maintenant sur le fond. Et vous n'y croyez plus ? Si, comment on n'y croit plus ? Si on n'y croyait pas, on n'aurait pas fait 14 manifestations. On va essayer de stopper ce projet de loi qui est mauvais d'ailleurs, qui n'a même pas été discuté au Parlement, je le rappelle, puisque le gouvernement a sorti à 3 reprises le canon du 49-3 pour faire taire les députés. C'est un projet qui n'a jamais été discuté avec qui que ce soit, sinon qu'avec une organisation syndicale et le patronat. Alors Éric Margueritte, si Force Ouvrière ne descend plus dans la rue contre la loi travail, quelle va être la stratégie ? Eh bien, on fait une veille juridique sur les décrets qui vont sortir. Il y a plus d'une centaine, je crois qu'il y a 134 décrets qui vont sortir. On fera une veille juridique et on va attaquer notamment devant les tribunaux, dans le Conseil constitutionnel déjà, en matière de QPC. Question prioritaire de constitutionnalité. Et puis on ira devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et en fin de course, on ira aussi devant le bureau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. On fera condamner, s'il est possible, le gouvernement sur une loi, un projet de loi qui est mauvais, qui n'a jamais été discuté. Et on voit aujourd'hui les résultats. C'est un dialogue social qui n'existe plus entre le gouvernement et les organisations syndicales représentatives. Mais quand même, ces défilés qui rassemblent de moins en moins de monde, il faut bien le dire, est-ce que ça montre pas que les gens ne croient plus vraiment dans les syndicats ? Pas du tout, je ne pense pas. D'ailleurs, ils vont devoir y croire, puisque maintenant, dans les entreprises, ils vont être obligés de se retourner vers les organisations syndicales qui ont défendu leurs droits, leurs intérêts, pour justement continuer à les défendre face aux attaques qui vont fuser de toutes parts au niveau des entreprises, que ce soit notamment sur les horaires, sur les conditions de travail, et sur les négociations annuelles obligatoires qui vont être non plus annuelles maintenant, mais triennales. Il y a des chiffres qui parlent. Seulement 11% des salariés sont syndiqués en France. C'est un des taux les plus bas d'Europe. Chiffre de 2013, est-ce que c'est mieux à La Réunion ? Non, c'est pas mieux à La Réunion, bien évidemment. Mais je vous signale quand même que les organisations syndicales sont solides et sont toujours aussi représentatives, existent depuis des dizaines d'années et d'autres organisations syndicales également. Ce qui veut dire qu'on a toujours confiance et les gens se syndiquent toujours. Alors on le verra entre le 28 novembre et le 12 décembre, puisqu'il y aura les élections dans les TPE, les très petites entreprises, ce sera vraiment un test grandeur nature. Taux de participation de ce même scrutin à La Réunion en 2012, 5%. Pas plus. Pourquoi les salariés ils seraient plus nombreux à voter cette année ? Je ne sais pas si... Mais encore, je me doute qu'il y ait foultitude pour voter, parce que le vote se fera de façon électronique ce coup-ci. Ça m'étonnerait que les gens... Déjà, il faudrait les salariés... Je rappelle que c'est dans les entreprises de moins de 11. Hein, il faudra que les salariés aillent voir sur Internet s'ils sont inscrits ou pas. Et ils ont jusqu'au 26, donc la semaine prochaine, pour partir vers le contentieux. Sinon, ils ne seront pas inscrits. Donc, il faut qu'ils voient s'ils sont inscrits. Ensuite, ils pourront voter entre le 23 novembre et le 12 décembre. Est-ce que ce n'est pas au syndicat aussi de jouer ce rôle d'information ? Mais tout à fait. C'est ce que je fais actuellement, vous l'avez bien compris. Avec la présidentielle qui se profile, il y a beaucoup de questions du social. Le compte pénibilité, par exemple, est dans la ligne de mire des candidats de la droite. Est-ce que c'est vraiment une usine à gaz, comme le dénoncent certains ? En tout cas, le compte de pénibilité, le problème, c'est qu'il faut le financer. Et c'est ça le problème. Les employeurs doivent le financer. Et je ne vois jamais un employeur ravi de financer des mesures qui vont pour les salariés. Mais enfin, voilà le problème qui se pose. Mais c'est vrai que là, il faut trouver une autre source de financement. Où est-ce que vous allez trouver une source de financement autre que c'est les employeurs qui doivent. Les salariés ont droit à une protection sociale. Le compte de pénibilité, c'est parce que les salariés font des travaux pénibles, les horaires de nuit, par exemple, et d'autres métiers qui sont tout à fait pénibles. Hein. Par exemple, ceux qui travaillent dans des caissons hyperbares, dans les milieux hyperbares, effectivement. Donc, travail pénible, ils ont droit à une protection sociale, et donc à mettre en place un compte de pénibilité, c'est assez tout bénéfique pour eux, quoi. Et vous êtes inquiet aussi, par exemple, sur le dossier des retraites, sur l'âge de départ pour les salariés ? Tout à fait. Vous savez, à chaque année, il y a toujours une volonté de vouloir reculer l'âge de la retraite. De partir toujours vers des années... je crois qu'à un moment donné, si on veut donner aussi du travail aux jeunes qui attendent, qui frappent à la porte, il faut aussi permettre aux gens de partir à la retraite et encore en bonne santé. Une réaction très rapidement sur le prix que reçoit François Hollande aujourd'hui à New York. Prix d'homme d'État mondial de l'année, décerné par une fondation interconfessionnelle américaine. Récompensé François Hollande pour son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté dans un moment d'attaque terroriste. Écoutez, moi je félicite le président pour ce prix, pour une fondation américaine, mais c'est assez savoureux de voir qu'il reçoit ce prix pour la démocratie dans le monde, mais la démocratie sociale, il ne sait pas ce que c'est, puisque le dialogue social a été rompu entre le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales qui représentent les travailleurs. Éric Margueritte, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne journée, bonne semaine. Philippe Dornier, vous receviez le secrétaire général de Force Ouvrière, Réunion. Cette interview à retrouver à 13h30. Isa, eh oui, Mickaël. Dans quelques semaines, c'est le retour de la deuxième saison de Kid Créole. Oui, t'es Kid Créole, les petits marmailles qui vont chanter, les petits ménères, voilà. Déjà plein de talents. Jusqu'à 15 ans, on va essayer de trouver la meilleure voix locale et vous allez pouvoir participer à ce casting. Hein. Vous reste encore quelques heures pour vous inscrire. Dépêche. Sur notamment le site internet Kid Créole. Point heureux. D'ici là, on va s'écouter la première gagnante. Oui, s'appelle Anouchka avec Pixel qui reviennent sur Réunion Première et c'est d'ailleurs une exclusivité. Vous l'écoutez ici et nulle part ailleurs dans Grand Matin. Pixel en exclusivité sur Réunion Première. Écoute mon étoile avec Anouchka. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Dans l'air, c'est pour la voix. J'entends ma voix et sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence, réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée est dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible, et m'y connaît maintenant. M'y péconcilie. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, d'être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. Mon étoile à retrouver sur l'album de Pixel, le tout premier, qui sortira vendredi. Dans quelques jours. Nouveau départ. Sinon, on est déjà en précommande. Et bien sûr. Et bah Pixel oui. Qui sera forcément notre invité dans Grand Matin. C'est vrai, hein. Promis. Pour l'occasion. Hein. Bon, d'accord. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes au 14e, Yves. C'est l'heure de pointe ici, l'heure des bus, l'heure des rentrées, notamment au niveau du collège du 14e. Circulation un peu difficile à proximité de la ravine des Cabris, donc il passe ici, donc la ravine d'Anse, je ne sais plus. La circulation se fait avec en tout cas de sérieux ralentissements, à hauteur également du rond-point qui permet de sortir de Pont-d'Yves. Attention, prudence, patience, bien entendu, sur cette route nationale 3, bien chargée, donc sous un ciel plutôt dégagé. La circulation dense également sur le littoral. Avant d'aborder le littoral, donc c'est-à-dire la descente Mont-Caprice, trafic pas bouché mais bien bien dense, donc jusqu'à la sortie des casernes dans un premier temps. Attention à l'arrivée également, la déviation nord-est de Saint-Pierre, plutôt difficile depuis Grand-Bois et la Caffrine, donc patience également au niveau de la route de Terre-Sainte depuis Terre-Rouge, circulation chargée pour passer l'hôpital de Saint-Pierre. Voilà, en ce qui concerne le trafic ailleurs, bah assez peu de changements, toujours sous le tunnel du Cap-Laoussée, des ralentissements en grand fond Boucan, c'est bien bouché en direction de Saint-Paul si vous sortez de Saint-Gilles par cette route des plages. La circulation est ralentie de nouveau alors sur la route du littoral à partir du virage de Ravine à Malheur, donc ça va un petit peu mieux du côté de la Possession pour aborder le chef-lieu. Ça reste coincé sur le boulevard sud, donc depuis le pont Vinsan, et également toute l'entrée est de Saint-Denis. Voilà, c'est du lundi et c'est classique. Attention, il y a la Salette et là c'est compliqué également pour traverser l'agglomération de Saint-Leu ce matin. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 7h31 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. Dans ce journal, nous entendrons le témoignage de la maman de Cassandra. La petite fille souffre d'une maladie génétique rare. Un appel aux dons est lancé pour lui permettre d'être soignée en métropole, voire aux États-Unis. Un rassemblement solidaire était organisé hier à Saint-Gilles pour aider cette famille. Déposer les armes, y compris les armes de chasse, si elles ne servent pas, c'est une opération menée par la préfecture. Vous avez jusqu'au 15 décembre explication dans ce journal. Attention, du côté de Saint-Leu, il vous le disait à l'instant, encore beaucoup de monde. Dernier jour du pèlerinage de Notre-Dame de la Salette. Une messe sera dite par l'évêque de La Réunion à 10h. Et puis hommage aux engagés indiens hier à la Grande Chaloupe. Le Lazaret a fait revivre aux visiteurs le quotidien de ces hommes et de ces femmes venus travailler dans l'île. Grand élan de générosité hier pour Cassandra. Cassandra, c'est une petite fille de 13 mois. Elle est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare. Et pour récolter des fonds pour l'aider à suivre un traitement, un rassemblement était organisé hier près de la plage de l'Ermitage à Saint-Gilles. Durant la journée, des jeux étaient organisés. On pouvait se faire coiffer ou encore acheter à manger. Une partie des fonds doit être reversée aux parents de Cassandra. Sa maman s'est confiée à Christelle Fleurécourt. Le diagnostic tombe en juin dernier. Cassandra n'avait alors que 10 mois et pour ses parents, c'est le choc. Cassandra ne marchera pas, ni à quatre pattes, elle ne peut pas se retourner, elle ne peut pas tenir assise toute seule. Puis surtout, il y a le risque vital, c'est les problèmes respiratoires. Il faut faire aussi attention au virus, rien ne peut lui être fatal. Germaine, sa maman et Jackie, son papa, n'avaient pourtant rien remarqué. C'est une visite de routine chez le pédiatre qui a révélé l'amyotrophie spinale. Et si au début, ils ne voulaient pas y croire, aujourd'hui, leur quotidien a complètement été bouleversé. On a plusieurs machines qu'on doit toujours avoir avec nous. Bah, ça nous arrive d'y avoir recours, ça nous est arrivé quand même deux ou trois fois, à savoir de devoir l'aspirer parce qu'elle ne peut plus reprendre sa respiration. Donc effectivement, ça fait peur. Pour le moment, aucun réel traitement n'existe, mais la famille de Cassandra ne veut pas baisser les bras. Prochaine étape, la métropole et si possible ensuite les États-Unis, afin de confier la petite fille aux meilleurs spécialistes. On s'oriente vers les traitements parce que malheureusement, les complications, sinon elles vont arriver. Et traitement ou pas, ça ne revient pas en arrière. Quand on essaye de prendre des contacts avec des familles dont les enfants sont atteints d'amyotrophie, et ben, je peux vous dire que 8 fois sur 10, je suis tombée sur des parents qui ont perdu leur enfant. Mais ces voyages ont un coût et les parents de Cassandra font appel à la générosité des Réunionnais pour les aider à financer la guérison de leur fille. Et pour le moment, les parents de Cassandra ont récolté un peu plus de 10 000 euros, de quoi financer le voyage pour la métropole. Pour les États-Unis, le budget devrait être au moins 5 fois plus important. Une cagnotte est toujours en cours sur le site de cagnotte en ligne Letchi sous l'intitulé Amyotrophie de Cassandra, tout accroché. 3 mois d'amnistie, c'est ce que vous propose l'État si vous souhaitez déposer les armes. Depuis jeudi dernier et jusqu'en décembre prochain, vous pouvez vous débarrasser des armes et des munitions que vous avez chez vous. Vous pouvez remettre ces objets à la gendarmerie ou dans un commissariat de police. Et même si ceux-ci sont détenus de manière illégale, vous ne serez pas inquiété par la justice. Comment savoir combien d'armes sont en circulation à La Réunion? C'est difficile, sauf pour celles qui sont répertoriées dans certaines catégories, les C et les D qui regroupe les armes de chasse notamment et pour lesquelles il faut un permis. Un registre est tenu et l'État en est régulièrement informé. Les précisions de Gérald Chan-Yin, il est gérant d'une armerie et d'un stand de tir dans la zone industrielle du Chaudron à Saint-Denis. Depuis 2006 que je suis dans le milieu, quand je prends mon registre, je suis à 457. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Au total, il y en a qui ne sont pas vendus, je veux dire. Mais la majorité, on va dire les 400 et quelques, hein, c'est vendu. Il faut savoir, le Gomcon, le fameux Gomcon, c'est classé C3. Mais c'est pas utilisé comme arme de chasse, le Gomcon. Ben non, ouais. Non, mais c'est classé C. Pour un Gomcon, il faut pièce d'identité. Le certificat médical qui justifie de votre bonne intégrité physique et psychique par votre médecin traitant, qui date de moins de 1 mois. Et c'est une arme qui est soumise à déclaration. Donc, quand l'arme est achetée, moi, j'ai l'obligation en tant que professionnel de faire parvenir la déclaration à la préfecture sous 1 mois. Gérald Chanine répondait à Stéphane Nilora que vous avez donc jusqu'au 15 décembre pour déposer vos armes dans un commissariat ou à la gendarmerie sans que l'on vous pose de questions sur leurs origines. Aucune sanction administrative ou judiciaire ne sera engagée. Vous serez des dizaines de milliers à vous retrouver à Saint-Leu aujourd'hui pour le dernier jour de la fête de Notre-Dame de la Salette. Le pèlerinage a commencé il y a 10 jours et s'achèvera donc aujourd'hui avec une messe dite par l'évêque de La Réunion, Gilbert Aubry. Ce pèlerinage à la Salette, c'est l'occasion pour les catholiques de l'île de célébrer la famille. C'est une tradition. Nous allons longtemps, maman fait ça, mais nous sommes la nuit, puis nous sommes sur la tradition, nous amène les enfants pas punir. Mais moi, j'ai eu un souci à 3 ans de cela, et à chaque fois, il vient, il a toujours accordé à maman, il continue de venir pour ça. Depuis petite, c'est ma grand-mère qui m'emmenait, donc c'est toujours resté l'habitude. Comme le monde, ça va, là, en dérivé, là, même plus valeur, là, même plus rien, tout ça, là, en train de casser, et quand on voit ailleurs, on a la guerre, on a des enfants à pas manger, on est en train de déchirer à nous, vaut mieux nous mettre la foi dans notre cœur. Tous les ans, on nous fait ça en famille, et moi, m'a déjà fait à pied depuis 3h du matin de Saint-Paul à Saint-Leu. Surtout pour moi, pour les autres, et que ben, ce monde-là, il devient un peu un monde de paix. Des propos recueillis par Pierre Comorasamy et la messe est prévue à 10h. Il y aura du monde dans le secteur. Prudence sur la route. 7h37 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Mayotte participera au 38e Salon international du tourisme. Top Reza ouvrira ses portes demain à Paris. Plus de 1500 exposants seront présents cette année. Pour le comité du tourisme de Mayotte, il ne fallait pas rater le rendez-vous, d'autant que cette année, il faut rassurer sur l'aspect sécurité. Mayotte ayant fait les gros titres avec la grève générale et de nombreuses agressions. Michel Ahmed est directeur du comité du tourisme de Mayotte. Là, on est en plein dans la mission première du comité du tourisme. Donc, c'est un événement très important puisqu'il s'agit de l'événement majeur du tourisme au niveau national. Et il est important que le comité du tourisme soit là pour porter haut les couleurs de Mayotte. Nous serons accompagnés de 4 professionnels du tourisme de Mayotte et nous allons mettre en avant cette nouvelle offre de ligne directe

C'est à vous, Yves. Oui, à proximité du rond-point des Chandelles, c'est-à-dire donc vers le carrefour des 600, circulation à peu près correcte. Hein, donc une fois passé le 14e, le trafic se fait modérément, descendant donc sur cette partie de la RN3 avant de retrouver la 4 voies à partir du rond-point des Azalées. Attention, ça ralentit avec un trafic dense au-dessus de Mont-Caprice vers le radar automatique, et puis après ça coince un peu plus, donc la vitesse à moins de 20 km/h pour descendre jusqu'aux casernes à Saint-Pierre. Circulation en provenance de l'est de Saint-Pierre, donc avec des difficultés également donc entre Grand-Bois et Saint-Pierre, la déviation nord-est, mais surtout descente depuis la croisée de Petite-Île avec du monde également sur le chemin 9 et le chemin Grand Anse avant le rond-point de Grand Anse justement. La circulation, attention avec les difficultés à prévoir avec la Salette et notamment la présence de très nombreux piétons qui marchent le long de la route des plages. Prudence avec eux, donc au milieu des cyclistes qui empruntent également ce réseau. Et puis pour rejoindre justement donc Saint-Leu, il y a deux contraintes de circulation. La déviation de Saint-Gilles qui reste fermée, de la Saline pardon, qui reste fermée dans le sens nord-sud. Vous êtes dévié depuis le rond-point vers la Gonfle, c'est-à-dire le rond-point Bruniquel, pour retrouver obligatoirement le centre-ville de la Saline-des-Bains. C'est en place, attention à cette contrainte. Et puis également donc un autre chantier qui lui est plutôt à la sortie de Saint-Leu. La voie de dépassement donc est fermée à la circulation donc depuis maintenant la semaine dernière, vous le savez. Là au niveau de la pointe des Châteaux, si vous circulez en direction du nord, attention à cette contrainte. Voilà, bonne route avec la première à tout à l'heure en 8h. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Eh oui, 7h44 la Réunion. Oui. Et continuez d'envoyer vos photos, petit-déj, parce que ça vous peut-être permet de vous faire gagner notamment des gros cadeaux. Ce qui est sûr, c'est que grâce à cette photo de petit-déjeuner, vous participerez au grand tirage au sort de vendredi pour repartir avec votre croisière pour deux personnes à bord de Kata Passion. Eh oui, c'est comme ça. C'est pour vous. Mais par contre, il faut envoyer vos petites photos. Et là, on se dépêche parce que... dans un instant, c'est terminé. Hein. Bah oui, vous pourrez aller voir aussi War Dogs, un film que j'ai vu ce week-end. Oui, il faut absolument aller voir. Hein, c'est deux potes qui se font de l'argent sur le business de la guerre. Génial. Et ils vivent des aventures folles. Oh là là. Ça finit bien. Jusqu'à la fin que je vous raconterai pas. Bah non, si je vous le raconte, ça rien d'aller voir la le film. Enfin, comment il avec, finit ça se finit. Ah bon. Jonah Hill, Minesteller et la excellente. L'excellente, la sublime Anna des Armages, je l'ai découvert dans ce film. Elle est vraiment belle. Tu as les yeux qui brillent. Et puis Bradley Cooper aussi. Ah, lui, dans il est bien ce aussi. Film. Je l'ai découvert. Vous aimez il y a bien. Longtemps. Vous aimez bien. Les femmes. War Dogs, allez voir au cinéma. On vous offre les places avant 8h. Mais oui. Promis. Petite photo, dépêche Marmaille. D'ici là, c'est la bicyclette. Ah, bah la bicyclette. Shakira qui revient avec Carlos Vives sur Première, dans Grand Matin. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Y que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Elle revient avec la bicicleta, Carlos Vives et Shakira qui fait remuer le web en ce moment puisqu'on fait du latinafé pour n'importe quoi. Oh, une photo sur Instagram, on a vu un objet bizarre dessus. Attends. Et on se demande si Shakira est amatrice de sextoys. Mais c'est son problème à la limite. Et je t'avoue que pour avoir vu la photo, oui, moi aussi je me suis dit tiens. Mais Isa, mais qu'est-ce que c'est que Isa, ça Isa, Shakira, entre nous, chérie. Si t'es amatrice de sextoys, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Non mais sincèrement, et que Shakira et soit amatrice de sextoys. Bah oui, mais sauf pareil, que c'était juste le reflet d'un vieux néon. Ouais, bah, qu'elle s'amuse, qu'elle se fasse plaisir. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là avec bon, ça, hein, Shakira. En tout cas, voilà, depuis, ça buzz sur le web. Hein. Ben c'est voilà, un petit objet comme en forme tu de... tu vois des fois une star, une photo, ben, voilà, ça suffit. Un grand l'a dit, l'a fait après. Allez, à tout de suite sur Première. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Il passe un petit message, mon chéri, qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Claudio Gaillard, on roule chez Gali. Vous savez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec L'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Première. Et il vous reste 3 minutes pour poster une photo de petit déjeuner sur la page Facebook Grand Matin. Enfin, seulement si vous voulez participer, oui, repartir avec des invitations pour aller au cinéma et votre participation pour gagner une croisière. Ouais, enfin surtout aller en croisière ce week-end, quoi, avec croisière et découverte sur le Catapassion. C'est pour vous, peut-être à 7h51, on vous laisse 3 minutes maintenant pour poster votre petit déjeuner sur Facebook. Hein, ce que vous voulez, même si c'est pas grand-chose, vous l'aurez posté. C'est ça l'essentiel, finalement. Oui. On ira aussi tout à l'heure prendre des nouvelles de ce qui s'est passé en radio tout le week-end avec le zapping. C'est Patrice Marmaille. Mais d'ici là, on se pose une question. Il y a pas mal de problèmes sur les nouveaux smartphones et notamment sur l'iPhone 7. Est-il vraiment étanche? Bah, iPhone ça 7. Alors, moi, je sais pas qui c'est. Bah, Pascal Rizzo, peut-être qu'il va nous répondre. Connect Première. Connect Première. Bonjour, entre mini-scandale et maxi-arnaque, ou comment jouer avec les mots avec la complicité des normes techniques. Lors de la présentation du nouvel iPhone modèle 7 et 7 Plus, Apple avait précisé que son nouveau produit phare était étanche. Alors c'est vrai, le smartphone devient plus résistant, je cite, aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Et Apple de citer un test et son résultat, les iPhones ont obtenu l'indice de protection IP67 défini par la norme 60529 de la Commission électronique internationale. Ça fait très sérieux. Et pourtant, les petites lignes de la garantie Apple nous en apprennent plus, et notamment, dans le cadre d'une usure normale, cette résistance peut diminuer. Ah, donc plus le temps passe, moins le téléphone résiste et redevient fragile. Gloup ! Et puis, étrange, ces phrases également toujours écrites en petits caractères, les dégâts causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie. Et puis autre phrase, la garantie ne couvre pas les dommages apparus suite à une mauvaise utilisation de l'appareil. Bref, si on fait tomber accidentellement son iPhone 7 dans le bac à vaisselle plein par exemple et qu'un problème survient, on ne pourra pas évoquer la keynote du 7 septembre qui affirmait que l'iPhone 7 pouvait tenir 30 minutes à moins d'un mètre d'eau. Bah oui, c'est ce que permet normalement le fameux indice IP67. Il faudra donc attendre que des laboratoires ou des bonnes âmes riches tentent l'expérience et nous donnent le résultat. On voit ça généralement sur des vidéos YouTube. Pour en savoir plus, notons qu'en la matière, la concurrence est plus claire et moins restrictive puisque les Galaxy S7, S7 Edge ainsi que le tristement célèbre Note 7 sont garantis, eux, contre le dégât des eaux. La présentation de l'iPhone 7 n'a en tout cas pas eu l'effet escompté à la bourse, puisqu'au lendemain de la keynote d'Apple, l'action de la firme est baissée de 2,62%, alors que Tim Cook tablait au moins sur une petite hausse substantielle. Les premiers chiffres des précommandes et les premières ventes devraient redonner le sourire au patron de la firme. Belle journée. Ouais, enfin, je te jure. Nous, pour avoir le sourire, il faut quand même dépenser 800 euros. Hein. Ah ouais, ouais? Bah oui, pour avoir ce petit instrument, l'iPhone, le nouvel. L'ascent de vendredi, voilà. Combien? L'ascent de vendredi, mais il ne connaît pas combien, il ne veut pas savoir. Hein. Si en plus il tombe dans de l'eau et qu'il coule, 800. Super. Hein. Jure. Qui a gagné ses places de cinéma aujourd'hui? Alors le film c'était celui-là, War Dogs, notamment, qui est sorti dans les salles la semaine dernière, mercredi dernier. Sans parler de votre offre, qui était trop tentante pour qu'on la laisse passer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous êtes infiniment en dessous des prix du marché. En dessous de combien? Votre offre est 53 millions de dollars plus basse que celle de la concurrence la moins chère. Là, ça fait mal. Ça fait mal quand vous entendez ça. Ça fait c'est deux potes qui veulent se faire, qui veulent se faire du business sur la guerre avec Jonah Hill notamment, hein, qui joue dans Loup de Wall Street avec DiCaprio. C'est un peu le Loup de Wall Street, mais là, on parle pas de trading, on parle de business de la guerre. C'est inspiré d'une histoire vraie. Oh là là. Et Isa veut savoir comment ça se termine. Bah, vous irez voir fin. Au cinéma parce que c'est Priscilla notamment qui pourra connaître la fin aujourd'hui. Bon, mais oui, mais est-ce que ça finit bien ou comment? Mais je peux pas le dire sinon, je vous dis la fin, c'est ça. Mais elle comprend rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pour savoir, est-ce que tu vois, moi j'ai non, pas les est-ce que film rien triste, du quoi. Tout. Est-ce que rien du tout. Voilà. Oh là là. Non. Bon, ouais, le film est marrant. Bah, Priscilla, enfin, pas tout le temps, pas tout le temps non plus, pas tout le temps. Tu vois, mais bon. Tu vois, c'est un peu triste quand même. Bah, c'est limite quoi. Bon, allez dans les salles du réseau Mort et Film, Multiplex Ciné Cambé de Saint-Paul, la Case de Saint-Denis, Plaza de Saint-Louis, si vous voulez connaître la fin. Vous savez, si vous voulez me dire, vous appelez. Mais Isa, quand on fait du mauvais business, à un moment, ça peut nous retomber dessus. C'est ça. Ah oui. Bah, Loup de Wall Street, ça s'est terminé comment? Pas terrible. Bon, bah pas terrible. Et ben voilà, tu dis pas terrible. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Allez, c'est le zapping de Réunion Première. Et vous allez l'entendre dans le zapping. Il y a Cécile qui patine. Oh, Yves. Cécile. Yves et ses conseils, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Et puis, vous, chers auditeurs, bah vous aussi, parfois, vous faites le show, hein, vraiment. La paix, la paix, la paix, la paix. L'association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité, SOS Solitude. Je vois le désarroi dans les yeux d'Isabelle Waro. C'est pas grave, Cécile. Si. Qu'en est-il des permis qui ont été obtenus avant 89? Maître. Maître. S'il vous plaît, j'ai eu un petit problème technique. Allez-y. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Oh là là. Putain. Donc ça c'est pas mal à faire. On peut le faire fumer ou le faire fumer ou le fumer soi-même. Hein. Avec en plus le goût au thé. Ben. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur est en somme Claudio avec Radio Première. Ouais. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Eh hey, mais en fin de compte, Réunion Première, qui est de bon, hein? Le chef, il passe, ouais, bonjour. Le chef. Non, le chef, je parle comment? Jazali, avec Jean-Paul Mélade. Celles qui vont tourner autour du patrimoine naturel. Avec Jazi et... Comment? Zaji. N'entends pas. Jazi pour mon patrimoine naturel. Oh là là, comment? Jazali, avec Jean-Paul Mélade. Putain de nez. Boire. Ouais. Pour mal au ventre. C'est tellement bien quand on se fout de la gueule de nous-mêmes. Voilà. C'est oui. Comme ça que ça se passe dans le zapping. On rit un peu de nous. Enfin. Salut Jackie. Coucou Jackie. C'est quoi cette banane? Salut, c'est quoi cette banane, Jackie? Pourquoi cette banane de tous les jours, mais moi, c'est avec une banane. Bon, okay. J'ai la banane, Michael. La colle. Tiens, si on parlait de sauter, tiens. On va sauter. La corde à sauter. Avec un accent aigu. Ouais. Non, le sauter, le carré, le chop suey, le truc, sauter au wok. Okay. Avec Jean-Patrick Mirandier. Et puis ce matin, on dit on va sauter. Yves, il veut sauter. Yves, il saute toi, tu veux aussi sauter. Parce bon, qu'il a voilà. Froid. Non, tout le monde veut sauter. Saute la main. Mites-nous. Okay. Saute la main. Mites avec Jean-Patrick Mirandier. Il sera avec nous dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qu'un sauter? Est-ce qu'on peut tout faire sauter pour faire un sauter? Pas obligé de tirer dessus la corde à sauter. D'accord, bah ouais. Tu vois, tu as fini par y arriver, la corde à sauter, tu vois. Et on va parler des vampires. C'est Prisca qui nous l'a dit ce matin. Absolument. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vampires ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des vampires à l'île de la Réunion ? Non. On le saura peut-être tout à l'heure. Et sérieux ? Comment stopper le saignement d'une petite coupure ? Oh, petite, petite, hein ? Ah oui, les petits bébés coupures, voilà. Bon, on va parler de la jugulaire. Bah oui, ou la carotide, c'est une autre affaire. Hein. Ah, on est bien là. Et il y aura les vampires aussi. Il y aura les vampires, voilà. C'est ça. Ouais, Radio Ménage, Fredo et Marlène. Fredo qui prend tout son temps aux toilettes. Pourquoi ? C'est la question. Pourquoi ? Ah ben, mais connais pas moi, il faudra écouter tout à l'heure. Ah ben voilà, c'est comme le film. Heures, la colle Jacques. Raconte pas la fin de tout. Non, le film, on raconte pas. Bah non. On raconte qui pas. Qui ça, déjà, que ça que grand matin bon. Ah, c'est Shakira. Shakira. Voilà. Allez, Isa, on rejoint Yves. Isa, non, jamais. Jamais. Jamais, non. Alors, pas déconner non plus. À demain, la Réunion. Salut. Salut, Christophe. Salut, la Réunion. On y arrive ou pas ? Avec Total et Inforoom. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes Zach Canabadi. Ça ralentit au niveau des bretelles de sortie de Saint-Pierre en provenance du tampon, que ce soit donc en dessous de Mont-Caprice, donc la sortie caserne surtout, et puis la sortie suivante, sortie Zélie 2, pour rejoindre le boulevard Banque, donc la bien chargée en bas également, au niveau de Ravine Blanche. Il y a du monde hein, donc pour descendre de la RM3, des difficultés également, toujours en provenance déviation nord-est de Saint-Pierre, rejoindre le boulevard Banque depuis le giratoire Archambault, en provenance de Bassin-Plat. La circulation qui se fait avec cette contrainte, je rappelle, au niveau de Saint-Pierre, donc à partir d'aujourd'hui, et jusqu'au 1er novembre. Hein, donc la rue Isotier, François Isotier, fermée entre la rue Marius, entre la rue Four à Chaux et la rue Marius à Aix-le-Blanc. Vous êtes rue des Bons-Enfants, pardon, vous êtes dévié. Hein, donc toute cette période de 6 semaines, avec des travaux qui se dérouleront jour et nuit, je le rappelle. Voilà, en ce qui concerne le reste du réseau, et bien toujours sous le tunnel du Cap Laoussais, donc pas trop de changement à ce niveau. L'entrée ouest pour Ravine et Malheur pour la route du littoral. Par contre, ça roule mieux pour Vinsan et les tranchées. Et puis l'entrée est de Saint-Denis. Alors on sait que ça roule mieux du côté de Sainte-Suzanne, là, du côté de la marine, la circulation est plus fluide. Par contre, ça reste chargé jusqu'à Saint-Denis en provenance de Sainte-Marie. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Salut à tous, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Plus de 10 000, c'est le nombre de fidèles attendus ce matin à Saint-Leu. La fête de la Salette se termine ce lundi avec la messe célébrée par Mgr Gilbert Aubry. Hier, 2 000 fidèles ont partagé un repas avant d'accompagner la Vierge en pleurs jusqu'à son sanctuaire. Reportage à suivre. Le week-end rythmé par les journées européennes du patrimoine n'a malheureusement pas calmé les esprits. Les réactions continuent après la révocation de Marilène Noirot, la directrice du parc national. Après Daniel Gontier, invité hier du JT de Réunion Première, c'est Éric Marguerite qui s'est exprimé ce matin sur notre antenne. Il réclame la transparence dans cette affaire. Enfin, en sport football, on parlera tout à l'heure de la Coupe régionale de France et de la Coupe de la Réunion, toutes deux jouées ce week-end. Les principaux résultats à la fin de cette édition. Ils étaient donc 2000 hier. Ils devraient être au moins 5 fois plus nombreux aujourd'hui à Saint-Leu. Les chrétiens célèbrent